Vous écoutez Vivacité, il est 17h, voici les titres du journal. Du soleil, mais sur un coup de tête, la saison des last minute bat son plein. Pour faire de la place aux touristes, il faut dénicher d'autres formules. Certains recevront donc une tente au lieu des clés d'une chambre d'hôtel. Une averse de reproches après la déclaration de Geert Bourgeois sur la frontière linguistique, comparée à une frontière des grèves. Ce n'est pas un vocabulaire pour un ministre-président, rétorque poliment le Premier ministre Charles Michel. Jan Peumans lui préside le Parlement flamand. Dans son discours officiel de la fête de la communauté flamande, il s'est montré beaucoup plus flatteur. Pour moi, la Wallonie, c'est plus agréable, plus de tolérance. Et c'est une différence avec la Flandre. Jan Peumans, que vous entendrez dans un instant. Comment vont-ils s'en sortir? Les producteurs de céréales annoncent une très mauvaise saison. Les rendements sont mauvais. La faute au mauvais temps, encore lui. L'image du jour, Cristiano Ronaldo au palais présidentiel à Lisbonne. Il brandit le trophée devant une foule en liesse. Toute une ambiance que nous vous ferons vivre. Et cette victoire portugaise était un peu plus inattendue des parieurs. Comment gère-t-on les sommes à payer à ceux qui ont fait le bon choix? Les firmes, les sociétés de Paris prennent-elles aussi des risques? Réponse à la fin de ce journal. Le journal de 17h, il vous est présenté par Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, vous n'aviez pas prévu de partir, mais le manque de soleil est plus fort. Cette année, les last minutes sont très, très demandées et on comprend pourquoi. Grand gagnant de l'été, la Grèce et l'Espagne. Alors comment faire face à ce boom des demandes? Comment gérer la pénurie de chambres d'hôtel? Un reportage d'Adeline Boins et de Dodie Leuert. Ils ont bouclé leurs valises à la va-vite et sont fin prêts à décoller. Ici, c'est vraiment un last minute. J'ai réservé mes vacances le vendredi pour partir aujourd'hui lundi. La destination de prédilection cet été, c'est l'Espagne. Mallorca, Tenerife. Une popularité qui a des conséquences inattendues. De très nombreux hôtels espagnols affichent complet. Un tour opérateur a réagi en proposant une action marketing inédite. Il offre une tente à ceux qui réservent un billet d'avion pour Ibiza. Koen Vanenbosch, porte-parole de Neckermann. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent absolument encore partir, mais comme l'offre d'hôtel est limitée, Neckermann offre aujourd'hui la possibilité de partir en avion avec une tente. Le vrai rush sur l'Espagne et la Grèce est peu étonnant en fait quand on entend les choix qui étaient proposés aux voyageurs. Alors d'abord, c'est pas choisi, c'est ce qui restait sur le marché. C'était soit Espagne et la Grèce. Faut dire que la Tunisie n'est plus proposée en last minute. En ce moment, pour la Belgique, contrairement à nos pays voisins, il y a toujours un avis de voyage négatif pour la Tunisie. Et tant que cet avis est en vigueur, nous ne ferons pas partir des clients sur la destination de la Tunisie. Il existe bien des promotions pour la Turquie, par contre, mais encore faut-il que les clients soient amateurs. Oui, la Turquie, malheureusement, qui est un très beau pays, mais voilà. Les événements de ces derniers mois en refroidissent manifestement certains, mais le Belge n'est pas prêt à faire un trait sur ses vacances au soleil pour autant. Et attention aux embouteillages en s'approchant de l'aéroport de Zaventem. Des retards de 15 à 20 minutes ce matin encore. Depuis plusieurs jours, la police fédérale intensifie ses contrôles sur les axes menant à l'aéroport. Ce n'est pas un vocabulaire pour un ministre président, rétorque Charles Michel, le numéro 1 du gouvernement flamand. Geert Bourgeois a comparé la frontière linguistique à une frontière de la grève. Les Flamands crachent dessus, a-t-il aussi ajouté. Finalement, il fait une demi-marche arrière. Je crois qu'on en a assez parlé. Je ne crache sur personne, explique-t-il ce matin en arrivant à l'hôtel de ville de Bruxelles, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête de la communauté flamande. La phrase a pourtant déclenché une pluie de critiques et un vent unanime pour dire que les mots ont très mal été choisis. Alors, comment allait-on s'en sortir un autre NVA, Jan Peumans, lors de ces cérémonies officielles? Écoutez le président du Parlement flamand. Il flatte la Wallonie. Il y a une autre mentalité en Wallonie. Moi, je viens beaucoup en Wallonie. Et en Wallonie, c'est pour moi, la Wallonie, c'est plus agréable, plus de tolérance. Et c'est une différence avec la Flandre. Par exemple, quand ils ont une réception, c'est juste la verre de l'amitié. Ici, en Flandre, on ne connaît ça pas. Donc, vous voulez apaiser et calmer les esprits. Pour vous, il ne faut pas insister, il ne faut pas rajouter une couche sur les propos de Geert Bourgeois. Oui, ça, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Jan Peumans, interrogé par Marc Sirleroy, dans son discours, l'homme a réclamé plus de coopération avec les Pays-Bas. Trop délaissé, dit-il, par rapport à la France. La France, justement, qui était battue le matin du 11 juillet 1302. Les armées du roi de France étaient vaincues par les troupes flamandes. C'était la bataille des éperons d'or. Les Flamands s'en souviennent aujourd'hui, ils en ont fait leur fête. Comment tout cela se traduit-il 700 ans plus tard? La réponse, elle se traduit en danse, en musique et aussi avec des visites guidées. C'est un reportage dans les rues de Bruxelles, en fête de Pierre Vandenbulcke. Ils viennent de Diest, de Hall ou encore de Hoegaarden et ils ont fait le déplacement expressément pour cette fête de la communauté flamande. Je suis fière d'être néerlandophone, d'être belge aussi, sûrement. Il y a de certaines choses qui sont ouvertes aujourd'hui, c'est l'occasion de visiter. On va visiter maintenant le Parlement bruxellois, oui, pour s'informer et pour faire une sortie comme ça, oui, pour fêter la fête flamande, hein, voilà. Sur la Grand Place, Radio 2 diffuse le top 100 des meilleures chansons flamandes. Pascal Kelly Molenbeek est ravi. Francophone ou néerlandophone, ici à Bruxelles, tout est ensemble. C'est une fois une journée pour vraiment les néerlandophones, les flamands. Et pour le reste, super. Le public est beaucoup plus jeune, place de la Monnaie transformée en piste de danse. Des danseurs venus de part et d'autre de la frontière linguistique et même de France s'affrontent en battle. Greg Lox, bruxellois bilingue, anime le concours. Je crois que la danse, c'est un des seuls arts qui peut essayer de rassembler un maximum de gens, parce qu'il ne faut pas parler, il faut juste danser. Rassembler, rapprocher Bruxelles et la Flandre, c'est l'un des objectifs annoncés de Bruxelles Danst. Roel Lehmann, directeur de Munpunt, l'organisateur des festivités. On veut montrer une partie de la Flandre à Bruxelles, et en même temps on montre Bruxelles en Flandre. Il y a pas mal de Flamands qui visitent leur capitale. C'est l'occasion aussi pour la communauté flamande de montrer sa présence à Bruxelles avec ses nombreuses institutions très en pointe au niveau culturel. Un reportage de Pierre Vandenbulk. Delphine, on peut dire que le mauvais temps du début de l'été n'est pas encore totalement oublié. Oui, vous et moi, on hésite encore un peu, par exemple, à ranger l'impair et le parapluie. Rien de trop grave, mais les agriculteurs s'inquiètent franchement. La récolte des céréales s'annonce mauvaise. La qualité n'y est pas et il faut moissonner. Christine Boroviac, vous nous emmenez près de Thouin dans le Hainaut. Ici, nous avons un épi de froment. Xavier Lossou nous balade dans son champ de froment, une céréale qui n'a pas vraiment l'air en bonne santé. Vous pouvez voir des épillés qui sont blancs et d'autres qui sont verts. C'est dû à une maladie de l'épi, donc la fusariose. Et regardez sur le nombre d'épillés qu'il y a, de ceux qui sont touchés. Donc on compte 1, 2, 3, 4 sur la bonne dizaine qu'il y a là. Donc ça peut donner une chute de rendement extrême. Et ce n'est pas tout. L'escourgeon ne se porte pas mieux, nous explique l'agriculteur dépité. En gros, on a des fourchettes de rendement qui sont descendues de 30 à 35% vis-à-vis de l'année dernière. Donc c'est très mauvais. Ce week-end, avec le beau temps annoncé, Christophe Lossou, le fils, a sorti la moissonneuse-batteuse. Il a travaillé une partie de la journée, mais a dû rentrer tôt le soir à cause de l'humidité des céréales. Car bien sûr, les acheteurs de ces matières premières exigent la qualité. On a des pénalités lors des livraisons, donc on essaie de trouver les meilleures périodes dans la journée pour sortir les machines. Il est un peu tôt pour dire que les récoltes seront problématiques, disent les agriculteurs. La baisse de rendement est certes déjà constatée, mais tout n'a pas encore été moissonné. Il faut donc parier sur l'arrivée durable d'un soleil franc et massif pour espérer engranger des récoltes correctes. Les explications de Christine Boroviac avec Sarah Hendricks. La pauvreté menace toujours 15% des Belges, un chiffre qui ne bouge plus d'année en année. Les catégories à risque sont encore les familles monoparentales et les chômeurs. La situation des seniors s'améliore lentement. Pour eux, le taux de pauvreté était de 15% l'an dernier contre 21% il y a 12 ans. Vous écoutez Vivacité, payer sa voiture, ses études ou s'offrir quelques jours de vacances. Les étudiants travaillent durant l'été. Il n'est pas trop tard pour décrocher un job d'été. C'est même l'année pour le faire. Il y a 10% de postes en plus. Dans les agences intérim, on recommande même de venir le jeudi ou le vendredi, histoire de décrocher un emploi le temps d'un week-end. Les secteurs les plus demandeurs, le nettoyage, l'horeca ou l'événementiel. Barbara Schall a rencontré des restaurateurs montois à la recherche d'une main-d'œuvre jeune. Luca Trapani travaille dans un restaurant de la Grand Place. Il le voit bien, même si l'été est déjà bien entamé, des étudiants défilent encore dans l'établissement, un CV à la main. Et c'est à la fin des examens qu'ils se rendent compte que ce serait chouette d'avoir un petit peu d'argent pour l'été, quoi. Aucune raison de culpabiliser, car la stratégie a toutes les chances de fonctionner. Sarah Splingard est la gérante d'un autre restaurant un peu plus loin. On engage nous toute l'année et concrètement encore plus quand il fait beau. Car dans la restauration, difficile d'anticiper les besoins. Mieux vaut donc être très disponible et faire preuve de beaucoup de souplesse. On doit s'adapter au temps, à la météo, aux events qu'il y a sur la Grand Place. Donc oui, concrètement, il faut être hyper flexible. Et puis les restaurateurs ne veulent pas non plus prendre de risques et voir les étudiants leur faire faux bond. Rien ne sert donc d'envoyer son CV 6 mois à l'avance. Non, absolument à rien, parce que d'autant que les choses changent, ils ont une seconde cesse, il y a le festival de Dour, il y a Werther, il y a... Donc non, concrètement non, on travaille plus en plus courte durée en tout cas. Dans un secteur comme celui-ci, les missions sont souvent courtes, quelques jours ou un week-end, il faut donc s'attendre à devoir cumuler plusieurs emplois. La presse britannique la surnomme la nouvelle Madame Thatcher. La Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne et elle sera gouvernée par une femme, déjà ministre de l'Intérieur, Theresa May. L'autre candidate abandonne, Andrea Leadsom. Theresa May, elle défend des positions assez dures en matière d'immigration, de lutte contre la délinquance. Elle n'a pas fait campagne lors du Brexit. À presque 60 ans, elle deviendra aussi la patronne du Parti conservateur. Et on passe au sport, sans vivacité. Un mois en France, un titre de champion d'Europe en poche et un retour au pays, au Portugal. Et l'avion a ramené des héros ce midi. Un avion qui est passé sous des jets d'eau aux couleurs du Portugal, le rouge et le vert. Oubliez les maillots transpirants et salis, tous les tout nouveaux champions d'Europe ont atterri en costume 3 pièces. Les supporters les ont attendus des heures et des heures. Massés autour de l'aéroport, certains grimpant même sur les toits des bâtiments voisins. Waoub Fayoumi nous raconte ce retour sous les vivas et les applaudissements. Ils étaient attendus impatiemment au Portugal. La Seleção a été reçue de façon triomphale ce lundi après sa victoire en finale de Coupe d'Europe. Avant d'être félicitée par le président portugais, l'équipe a aussi été ovationnée dans les rues de Lisbonne. Il ne faut jamais arrêter d'avoir de l'espoir pour son pays. Cette équipe est un exemple pour tous les jeunes. Ce sont tous des bons joueurs. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Et Eder en est la preuve. Vive le Portugal! Et si cette victoire du Portugal fait le bonheur des supporters portugais, elle enchante aussi les opérateurs de paris sportifs qui ont fait des bonnes affaires parce que le sacre de l'équipe de Ronaldo n'était pas attendu, pas du tout. Personne n'y croyait vraiment, Arnaud Pilé. Pour la finale au Stade de France, une mise d'à peine 10 euros sur la victoire du Portugal aurait rapporté 120 euros. Mais tant les bookmakers que les parieurs n'y croyaient pas vraiment, comme l'explique Romain Machelin, trader chez Ladbrokes. Pendant les matchs, il y a un nombre de paramètres, bien entendu, qui rentrent en compte. Quand Ronaldo est sorti, la cote du Portugal a augmenté. Pourtant, le Portugal a fini par l'emporter. Les opérateurs ont distribué plusieurs milliers d'euros de gains aux parieurs les plus perspicaces. Un risque calculé, selon Yannick Belfroy. Le client joue contre l'argent du bookmaker. Il y a des matchs sur lesquels nous sommes à risque en fonction de la situation. Et ça, c'est notre travail de bookmaker avec notre équipe de trading de gérer ça le moins mal possible. Donc, pour essayer de dégager une marge pour l'opérateur, tout simplement. Une marge confortable, selon Romain Machelin, les paris sont plutôt émotionnels que rationnels. Le match nul n'est pas très prisé. Les gens, dans leur tête, ils ont toujours comme impression qu'une des deux équipes va gagner. C'est très rare le nombre de personnes qui jouent les matchs nuls. Dans ce cas-ci, ça a terminé sur un nul, tant mieux pour nous. Avec 16 nuls sur 51 matchs lors de 7 euros, les opérateurs de paris sportifs se frottent donc les mains. Finalement, les paris, c'est comme au casino. La banque remporte toujours la mise à la fin. Il y a un Français qui sort gagnant de l'Euro, du vrai, du football. Antoine Griezmann est désigné meilleur joueur du tournoi. Selon l'UEFA, le joueur français a été le joueur le plus influent lors de la phase à élimination directe. Il a représenté un danger à chaque match, résume l'organisateur. Et avec ses 6 buts, il est également soulier d'or de cet Euro 2016, soit le meilleur buteur du tournoi. Merci Delphine Vreux. Prochain rendez-vous avec l'actu, ce sera à 18h sur Viva. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et on part sur les routes en compagnie de Claudine Fine. Bonjour. Bonjour. Alors, vers la côte, en raison de travaux sur le 40 Bruxelles-Ostende entre Herpemer et Zweinart, il y a des files qui rallongent votre temps de parcours de 40 minutes de plus. Dans cette circulation d'Annecy, il y a eu un accident à hauteur de Wetteren. On vous tient bien sûr au courant des suites, mais suite à ces embarras, eh bien, vous prenez un itinéraire bis et la N9 Bruxelles-Ostende entre Wetteren et Melle coince également. Là, vous perdez 45 minutes. Dans l'autre sens, ça coince toujours entre Gand et Mel, comptez 20 minutes. Sur le ring de Bruxelles, comptez 15 minutes supplémentaires en circulation intérieure entre Zaventem et le carrefour Léonard et en circulation extérieure entre Grand Bigard et Haut-Titre. Coyote signale un véhicule en panne à Bruxelles. À la sortie du tunnel Rogier, la bande de droite est encombrée en direction de la Basilique. Vous avez pris un arbre à forêt ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez, go, on prend celle-ci. T'as un très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais il n'y a même pas l'air con, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Psst, chez Ose, vous savez que nous ne sommes pas du genre à afficher nos réductions en grand sur la vitrine du showroom. Alors je vous le dis juste à vous, Ose vous réserve des meubles stylés, de la literie de qualité à des conditions incroyables jusqu'à la fin du mois. Ose, quai des Ardennes à Liège et sur ose-interiors.be. Vivacité présente 3D World Magic and Fun Ostende. L'événement dont tu es le héros. Du 16 juillet au 28 août, pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3DWorldBelgium.be. UEFA Euro 2016. Le Portugal, champion d'Europe. C'était ce dimanche 10 juillet et vous l'avez vécu en direct sur Vivacité. Le 5 à 7 de Vivacité avec Lucas Correa. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Vivacité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a plein de choses. Bah oui, le week-end était plutôt chargé. On va vous parler de plein de trucs différents et notamment des vacances. Vous avez peut-être la chance d'y être et vous comptez partir. Vous n'avez encore rien réservé et vous attendez le dernier moment parce que c'est vrai qu'on dit que les last minutes, eh bien, peuvent vous faire payer tout simplement moins cher. On va voir si c'est vrai. On va s'intéresser à une pratique qui est de plus en plus courante pour les vendeurs en ce qui concerne les vacances. C'est le tracking. C'est une technique marketing de pistage en fait, eh bien, qui fera savoir au vendeur que vous êtes intéressé par un achat précis sur son site. Et le vendeur, pendant ce temps-là, il peut faire varier le prix. Voilà, si vous n'êtes pas sûr du premier coup et que vous revenez après, eh bien, ça peut être plus cher. On va voir si cette pratique est utilisée par chez nous, si elle est utilisée régulièrement. Et puis, quelques conseils, évidemment, pour essayer de contourner cette pratique. On s'intéressera aussi au billet d'avion. Il paraît que si on réserve son billet d'avion à tel ou tel autre moment de la journée, on peut le payer moins cher. On aura porte-parole de test-achat en ligne pour répondre à ces questions. Vous allez être gâtés aussi dans cette émission. Il y aura des cadeaux à gagner autour des Francofolies de Spa. Les entrées pour le concert de Pascal Obispo seront à gagner. Kenji aussi. On vous dira également comment remporter un Francopass. Et puis on continue dans les cadeaux. On vous emmènera au Futuroscope de Poitiers pour toute la famille. Bref, ça c'est pour tout à l'heure dans l'émission. Et puis on parlera alimentaire aussi. Est-ce que vous connaissez le régime vegan? Ne rien manger qui est issu d'un animal. Il y a de plus en plus qui commencent à suivre ce genre de régime alimentaire. Et aujourd'hui dans l'actualité, on a entendu qu'une famille italienne l'imposait à un nourrisson. Le bébé a été retiré à sa famille pour malnutrition. Alors en quoi consiste exactement ce régime? Est-ce qu'il est dangereux autant pour les enfants que pour les adultes? Là nous aurons un ou une nutritionniste avec nous pour répondre à toutes ces questions. Restez avec nous sur Vivacité. Le 5 à 7 commence maintenant. Mais juste avant, le fil rouge de cette émission, vous savez comment ça se passe. On regarde l'actu, on regarde quelque chose qui peut vous concerner et on en parle. On en parle pendant un petit peu moins de deux heures et là, ça concerne la chanteuse Alanis Morissette. Et si elle nous écoute, Alanis, ben on lui souhaite évidemment toutes nos félicitations puisqu'on peut dire qu'elle nage en plein bonheur. Carnet rose, elle et son mari ont accueilli leur deuxième enfant. C'est une petite fille au prénom pour le moins original que la célèbre maman a dévoilé sur Instagram. Bon, je ne sais pas si je le prononce correctement parce qu'il est assez original, vous allez l'entendre. Onyx Solès Morissette Treadway. Voilà, donc tout ça, ce serait le prénom, si j'ai bien compris. C'est pas la seule, hein, évidemment, à donner des prénoms un petit peu spéciaux à ses enfants. Il y a beaucoup de célébrités qui le font. On on se souviendra de Maria Carré qui avait appelé son fils Moroccan parce qu'il avait été conçu au Maroc. Donc s'il avait été conçu à Liège ou à Charleroi ou à Bruxelles, il aurait porté ce nom-là visiblement. On a aussi Zoé Deschanel par exemple et son mari. Ils ont appelé leur petite fille Elsie Otter. Alors en anglais, an otter, c'est une loutre. Mais voilà, c'est mignon quand même. Hein. C'est vraiment des prénoms originaux. Et est-ce que vous avez choisi de donner un prénom vraiment original à votre enfant ou bien est-ce que vous comptez le faire dans l'avenir hein, s'il y a un heureux événement qui se profile à l'horizon, et bien vous nous l'envoyez par SMS et on en discute ici sur l'antenne de Vivacité jusqu'à 19h. Vous l'envoyez par SMS par exemple au 3063 pour 50 centimes par message. Vous pouvez également le faire sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez simplement 5 à 7 Vivacité, vous allez trouver ça très facilement. 5 à 7. Il est temps de parler un petit peu de vacances. Bah oui, c'est d'actualité, hein, et ces temps-ci, on essaye de plus en plus que ces vacances nous comptent le moins cher possible. Hein. Il y a des petits trucs et astuces, soi-disant, qu'en réservant un vol à telle heure ou tel jour, eh bien, ça peut être moins cher. Il y a aussi des techniques, mais là, c'est de la part des vendeurs qui nous font payer plus cher. Ça s'appelle le tricking. Et pour nous en parler, Julie Frère est avec nous, porte-parole de TestAchat. Bonjour, Julie. Bonjour. Alors Julie, bon c'est vrai, on essaye toujours de faire des petites économies quand on part en vacances pour pouvoir mieux dépenser là-bas, après tout. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs conseils qu'on peut apporter. Mais il y a une technique marketing de pistage dont on parle en ce moment. Elle permettrait aux vendeurs de savoir si on est intéressé par tel ou tel achat sur son site. Et ce vendeur pourrait faire varier le prix. Ça s'appelle le tricking, c'est ça en gros hein, cette méthode ? Tout à fait. En fait, il faut savoir que dès qu'on surfe sur Internet, on est identifié un petit peu partout par notre adresse IP. C'est vraiment une sorte de carte d'identité. Mmh. Et donc, ça permet vraiment de voir tous les sites qu'on a été visités, à quel moment et depuis quel endroit. Donc oui, c'est vrai, ça fait un peu peur, mais ben c'est oui. Comme ça. Et donc, il y a en fait des cookies, ce qu'on appelle des cookies, qui permettent de vraiment analyser le comportement qu'on a et ensuite nous proposer des offres vraiment sur mesure en fonction du comportement qu'on a eu sur Internet, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont stockées quand on surfe sur le net. Parce que ça répond à une mise en situation assez fréquente. Hein. On va sur un site, on regarde le prix qui nous intéresse, on se dit je me déciderai un petit peu plus tard, on revient, le prix est bon, puis on attend encore un petit peu, et puis pouf, là le prix il a carrément explosé, c'est donc à cause de ça. Alors il y a deux choses, moi ce que je trouve toujours assez étonnant, c'est quand je fais parfois du shopping en ligne, hein, je vais regarder un petit peu, puis je ne suis pas encore décidée, et alors je vais faire autre chose, et puis tout à coup je vais sur un autre site, parfois un site d'information, vraiment quelque chose de tout à fait différent, et tout à coup j'ai une publicité pour les vêtements que j'avais été voir une heure plus tôt. Donc il y a vraiment, on le voit, il y a vraiment notre comportement sur Internet est enregistré. Et donc, ce qu'on entend souvent par rapport au voyage, ce sont des personnes qui nous disent, mais voilà, moi j'ai été voir à tel moment de la journée et j'ai trouvé une offre intéressante. Je me suis dit, super, je vais booker cette offre-là. Et quand j'ai voulu me connecter deux heures plus tard pour booker au prix que j'avais trouvé, ça avait augmenté d'une centaine d'euros. Bon, et alors ce qui est assez étonnant, c'est quand ces personnes rentrent à la maison et que donc elles surfent avec un autre ordinateur, une autre adresse IP, et bien là, ils ont retrouvé le prix initial. Donc, on se demande, tiens, est-ce que justement on ne suit pas notre comportement pour nous proposer des prix plus chers ? Alors, et c'est légal ? C'est légal ça ou pas ? Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu le flou, mais il y a deux choses quand même très importantes à dire. C'est que nous, on a essayé de faire un petit peu un coup de sonde. C'était déjà il y a un petit moment, c'était en mai 2014. On avait vérifié sur 15 sites, dont Brussels Airlines, Ryanair, Thomas Cook, etc. Les plus connus, ouais. Et voilà. Et là, on n'avait pas trouvé de telles pratiques. On avait pu retrouver à chaque fois les mêmes prix sans aucun problème. Et il faut savoir aussi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France, qui ressemble un petit peu à la Commission vie privée en Belgique, avait fait aussi un test de grande ampleur à l'époque. Ils n'avaient pas non plus pu démontrer cela. Donc, c'est très difficile à prouver. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, ça veut dire que c'est pas courant, quoi. C'est une bonne nouvelle, je vous dis, par rapport aux tests que nous avons réalisés, on n'a vraiment pas pu constater d'abus. Il y a quand même une commission qui l'a fait à grande ampleur, on n'a pas constaté d'abus, mais on reçoit quand même fréquemment des témoignages, on n'est pas submergé, mais on en reçoit. Donc je pense que c'est une pratique qui existe, mais qui n'est peut-être pas encore, hein, pour l'interrogation, tout à fait généralisée, mais qu'il faut être attentif, parce qu'évidemment, il y a quand même une question par rapport au respect de la vie privée qui se pose. Est-ce qu'on ne doit pas donner très clairement notre consentement pour être suivi comme ça, parce que souvent les gens se font, je ne sais pas parmi vos auditeurs, les personnes qui sont vraiment conscientes du fait qu'on traque leur comportement comme ça de manière aussi flagrante sur Internet. Et puis peut-être autre élément aussi par rapport à l'aspect légal, est-ce que c'est légal de faire penser aux gens que le prix a augmenté alors qu'en fait s'ils utilisent une autre adresse IP, voilà, ils vont retrouver un prix plus bas. On peut considérer que c'est quand même assez trompeur comme pratique, et ça c'est en tout cas le point de vue que Testacha adopte. Alors il nous reste un petit peu de temps, est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces quand même si on se rend compte bien qu'on peut être victime de cette méthode, est-ce qu'on peut éviter comme ça ces mauvaises intentions, on va dire? Oui, alors je pense qu'il y a pas mal de petits conseils pratiques. C'est évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on commence d'un ordinateur. Si on voit que les prix ont augmenté, ben, on peut tester sur l'ordinateur de sa mère, de son père, de son copain. Oui, mais pas son smartphone et sa tablette, parce que là, c'est la même adresse IP du coup. Oui, d'accord. Ça marche, sauf si ça marche avec votre smartphone ou tablette si vous utilisez la 3G. Mais si vous utilisez le Wi-Fi, ben, ce sera la même adresse IP que sur votre ordi. Mais si vous utilisez le Wi-Fi sur votre ordinateur et que vous utilisez à 3G sur votre smartphone, là, ce sont deux adresses IP différentes. Donc ça, il faut essayer aussi. Alors, si on a deux navigateurs, hein, on peut avoir Explorer ou Chrome sur son ordinateur, par exemple, eh bien, on peut essayer avec l'un et avec l'autre. Là aussi, c'est une possibilité. Et puis, on peut aussi essayer de ne pas être suivi par ces cookies, mais le problème, c'est que quand on fait en sorte qu'on surfe sans cookies, hein, on refuse systématiquement les cookies, et bien, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui ne fonctionnent tout simplement pas. Et donc, ça peut être embêtant. C'est un petit peu embêtant. Ouais, là, pour le donc, reste, je crois qu'il faut utiliser les trois premières astuces. Bon, très bien. Et il y a aussi une question qu'on se pose en ce qui concerne la réservation de vol en avion. À ce qu'il paraît, que si on le réserve à 3h du matin, un mardi en pleine semaine, il peut être moins cher que, je ne sais pas, un vendredi soir à 16h. C'est vrai en deux mots cette histoire ? Alors écoutez, nous on n'a jamais fait ce test-là, je ne sais pas d'ailleurs qui a réalisé ce test, mais ce qu'on a fait comme test, nous, c'était au début de l'année, on a voulu un petit peu voir si c'était vrai qu'il fallait vraiment réserver son séjour beaucoup à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. On a vérifié sur 18 sites et au final on a vraiment 50-50 parce qu'il y avait 9 qui étaient moins chers quand on réservait en décembre, janvier, et 9 qui étaient moins chers quand on réservait en juin. Ah d'accord, donc ça dépend des sites là. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Il faut comparer, je pense que ça reste le maître mot, comparer, on trouvera la meilleure offre. Bon voilà, et assez à l'avance visiblement, c'est toujours mieux pour s'organiser. Un grand merci Julie Frère d'avoir été avec nous pour nous avoir apporté ces éclaircissements très utiles puisque vous êtes nombreux à partir en vacances. 5 à 7. On vous avait lancé un fil rouge dans l'émission juste avant de vous parler de ce sujet concernant le tracking. Il s'agissait de la chanteuse Alanis Morissette qui est maman d'une petite fille. Elle l'a appelée Onyx Solès Morissette, très douée. Donc un prénom assez original. Je vous ai demandé, est-ce que vous aviez donné un prénom original à votre enfant ? C'est ce qu'on va essayer de savoir avec quelqu'un qui est en ligne avec nous. Oui, c'est à vous d'ailleurs. J'ai pas votre prénom. Ah ouais. Ah si, je l'ai. Vous êtes Christophe de Pépinster. Oui. Bon. Oui, c'est ça. Christophe, vous avez quoi ? Un fils, une fille ? J'ai un fils et une fille, oui. Alors, comment elle s'appelle ? Mon fils s'appelle Anakin. Ah ! Et ma fille s'appelle Leïla. Vous ne serez pas fan de la Guerre des Étoiles, par hasard ? Un petit peu, quand même. Oui, un petit peu, quand même. Le hasard serait bizarre. Vous comptez avoir d'autres enfants ou pas ? Pardon ? Vous comptez avoir d'autres enfants ou pas ? Deux, c'est bien. Deux, c'est bien, parce qu'il y a tellement de personnages dans la Guerre des Étoiles que vous pourriez faire, quoi. Un petit D2, R2, par exemple. C'est joli, D2, R2. Parce que R2D2, c'est plutôt ça, oui. Ouais, 6PO aussi, c'est pas terrible. En effet, c'est très original. Non, c'est pas bien non plus, ça. Merci de votre témoignage, Christophe. Continuez à nous les envoyer. Allez-y, on est là jusqu'au 19h. Vous envoyez ça au 30-63 pour 50 cents. Jusqu'au 31 juillet, profitez des soldes à la Maison Hardy, votre spécialiste en chauffage et électroménager à Liège. Conditions exceptionnelles sur tous nos poêles à pellets. Action spéciale sur les foyers à bois et les cheminées décoratives Stuve. Profitez de nombreux électroménagers soldés. Maison Hardy, créateur de chaleur. Maison Hardy, depuis 1893, derrière l'hôtel de ville, à Liège. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Oui, jusqu'à moins 55%. Nous soldons aussi dans notre espace literie et notre espace meubles et décoration de la marque Enders et Hazel. Lederland Saint-Vite est ouvert de 10 à 18h30, même les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur lederland.info. Les spécialistes des cuisines Grandeau à Neupré connaissent la cuisine mieux que quiconque. Ils savent par exemple que la hauteur idéale pour l'évier se situe 10 cm sous la hauteur du coude. Et que les armoires murales sont suspendues minimum 50 cm au-dessus de l'évier. Évidemment, ils savent aussi qu'en juillet, Grandeau Neupré vous offre jusqu'à 60% de remise sur les cuisines d'expo. Bref, personne ne connaît mieux les cuisines qu'un spécialiste Grandeau. Eh oui. Grandeau. Personne ne connaît les cuisines mieux que nous. Découvrez vite les cuisines Grandeau dans notre showroom Route du Condroit à Neupré et sur Facebook Grandeau Neupré. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité aux côtés de Delphine Vreux. Bonsoir, pas de libération conditionnelle pour Léopold Storm, demande rejetée par le tribunal d'application des peines de Nivelles. Le tribunal qui demande d'ailleurs une nouvelle expertise psychiatrique. Léopold Storm a été condamné à 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur tuée dans le magasin familial du quartier des Marolles à Bruxelles. Elle sera Premier ministre mercredi, le Premier ministre britannique David Cameron démissionne et il va céder la place mercredi soir à la ministre de l'Intérieur Theresa May. Elle est la seule candidate toujours en liste pour sa succession. Quelques heures après l'annonce de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, David Cameron avait annoncé qu'il laissait le 16 Downing Street. Cris, applaudissements et larmes de joie au Portugal aujourd'hui pour le retour des joueurs de l'équipe nationale. Ils sont les nouveaux champions d'Europe. Le capitaine blessé mais plus que comblé, Cristiano Ronaldo, a brandi la coupe depuis le balcon présidentiel à Lisbonne, devant une foule habillée de rouge et de vert, les couleurs nationales. « Vous êtes les meilleurs d'Europe, vous avez donné l'exemple », a lancé le chef de l'État, Marcelo Rebelo de Sousa, lors de la réception au palais présidentiel. Merci Delphine, on développe tous ces titres évidemment dans le journal de 18h. Du côté de la météo, Dominique, est-ce qu'on va pouvoir garder nos shorts et nos t-shirts? Oui, mais peut-être quand même avoir un petit gilet à porter demain. Quand même, puisqu'il va faire de 15 à 19 degrés en moyenne cette semaine, donc c'est un petit peu moins qu'hier. Fallait pas trop s'habituer, hein, on le savait. Demain et le reste de la semaine, les journées seront composées d'éclaircies, de passages nuageux, voire d'averses à l'après-midi. Un coup de tonnerre, évidemment, qui n'est pas complètement impossible. Et alors, les températures moins chaudes, évidemment, que ce week-end. Et on parle d'un temps sec à partir de vendredi et d'un week-end à nouveau plus ensoleillé et plus doux. À confirmer tout ceci, évidemment. Voilà, quelques jours de patience. Après, ce sera de nouveau l'été. Et on part sur les routes avec vous, Claudine Fine. Un automobiliste signale une pièce métallique sur le 42 Liège-Namur à hauteur de Flémalle. Ouvrez l'œil en raison de travaux. Sur le 40 Bruxelles-Ostend, entre Herpemer et Zoénart, il y a des fils qui rallongent votre temps de parcours de 40 minutes. Mais avec cette circulation en dents de scie, il y a eu un accident à hauteur de Wetteren. Et suite à ces embarras, vous prenez un itinéraire bis. Et la Nationale 9 Bruxelles-Ostend entre Wetteren et Mel coince également. Et là aussi, vous perdez ici 40 minutes. Dans l'autre sens, ça coince toujours entre Gand et Mel. Comptez 30 minutes de plus. Pour ce qui est de Bruxelles, 15 minutes supplémentaires en circulation intérieure entre Zaventem et le Carrefour Léonard et 20 minutes de plus en circulation extérieure entre Grand Bigard et au titre suite à des travaux. Le tunnel Roger coince un petit peu au tunnel Porte de Halle, ça coince un petit peu direction le Midi et du tunnel Botanique au tunnel Roger, ça coince également en direction de la Basilique. Vous avez pris un arbre à forêt ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Merci d'être avec nous, de passer votre fin de journée avec le 5 à 7. Vous avez peut-être un petit creux maintenant. Bon, on va parler d'alimentaire dans la suite de l'émission. On connaît les végétariens, on connaît les végétaliens. Il y a maintenant le régime vegan qui est de plus en plus à la mode. En fait, ça consiste à ne rien manger qui est issu d'un animal. Il y en a de plus en plus qui pratiquent ce régime alimentaire. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs entendu qu'une famille italienne l'imposait à un bébé qui leur a été retiré du coup pour malnutrition. Alors en quoi ça consiste vraiment? Quels sont les risques pour les enfants, pour les adultes? Nous aurons une nutritionniste avec nous qui répondra à toutes ces questions. Et puis on continue évidemment de parler des vacances. Vous êtes nombreux à y être en ce moment, à partir en vacances, peut-être aussi en voiture, et vous ne pouvez pas vous séparer de votre animal de compagnie. Vous savez que prendre son chien ou bien son chat en vacances est de plus en plus fréquent. Par contre, notez qu'il y a des choses à savoir et des méthodes à appliquer pour le bien-être du petit toutou ou du minou. On aura un vétérinaire qui nous donnera tous ses conseils. Côté cadeau, eh bien, les fans de Pascal Obispo vont être ravis. Vous allez pouvoir le voir sur scène au Francofolie de Spa. On vous offrira vos entrées. Je vous dirai comment remporter vos entrées pour le concert de Kenji, toujours au Francofolie. Et en plus, un Francopass qui vous permettra d'assister à tous les concerts du festival. Ben bon, ça c'est la totale. On en parlera tout à l'heure. On fera un détour aussi du côté du Futuroscope de Poitiers. Il y a des passes pour toute la famille à gagner. En électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Viva! Vivacité et la foire de Libramont présentent l'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com/pétition. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des aires, ça se respecte. Une initiative de la Sofico, avec Vivacité. Vivez un moment d'émotion, d'émerveillement hors du temps dans un lieu magique. Mélange étonnant d'art, d'histoire et de médecine au cœur d'un couvent hôpital du Moyen-Âge. L'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Toute l'info sur www.hôpitalnotredamealarose.com avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie. La chance de devenir riche grâce à la générosité de Tati Georgette. Tiens mon gamin, 50 francs. Est assez faible. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel Makers, personnel et private banking. Atteins-le sur le nouveau centre commercial. Solde jusqu'à moins 50% sur des dizaines de salons, relax, lits, meubles et articles de décoration. La qualité à prix d'amis. Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10 à 18h30. Mobilier Tendance. UEFA Euro 2016. Le Portugal, champion d'Europe. C'était ce dimanche 10 juillet et vous l'avez vécu en direct sur Vivacité. Les meilleurs soldes chez Electro Rouard à Verlaine, bien sûr. Des prix imbattables en électroménager, TV, Hi-Fi. Des prix massacrés dans les plus grandes marques, mais toujours un service irréprochable. Les vrais soldes vous attendent chez Electrorouard, Grand Route à Verlaine. Surfez sur electrorouard.be. Rouard, c'est plus sûr. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Et avant de retrouver Ophélie Fontana, comme tous les lundis sur Vivacité, je voulais vous parler d'un événement familial et sportif. C'est tout nouveau, vous le savez, on est en plein dans le beau vélo de Ravel. Et bien il y a la Nuit du Ravel qui est un nouvel événement familial à vélo qui vous propose une balade en fait pour faire une boucle de Namur à Namur. Donc vous allez vous arrêter dans différentes attractions touristiques vraiment sympa, hein, parce que vous passerez notamment par l'abbaye de Floreffe, à Fosse-la-Ville, l'abbaye de Maretsou, le musée de la Fraise de Houépion et puis vous reviendrez évidemment à Namur. Il y a un site web pour avoir toutes les infos, les parcours, c'est le www.nuit. duravel.be et inscrivez-vous, c'est obligatoire. Comme je vous le disais, elle est avec nous tous les lundis, Ophélie Fontana est là. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler des Diables Rouges, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, on le sait, notre équipe nationale n'a pas gagné l'Euro, c'est bien le Portugal hein, qui est le grand tombeur de la France. Mais le bon côté des choses, pour nos joueurs en tout cas, c'est qu'eux, ils ont pu prendre leurs vacances un petit peu plus tôt. Ah bah oui, pour l'instant, ce qu'on voit beaucoup, c'est plutôt des cartes postales de vacances. Hein. Ils ont déserté les terrains de foot, nos diables, un petit peu déçus, c'est vrai, par cette expérience de l'Euro, mais qu'à cela ne tienne, ils en profitent en famille. Et je vais vous faire une petite carte géographique des destinations préférées de nos joueurs. Alors, ça dépend, il y a un peu de tout, il y en a qui choisissent des destinations européennes, d'autres plus lointaines. Vous voulez commencer par quoi ? Lointaine. Ah voilà, parce que ça fait plus rêver. Voilà. Alors, je vais déjà vous vendre les Seychelles pour commencer, c'est pas mal. C'est magnifique. C'est pas mal. Donc, Simon. Faut savoir l'offrir hein, quand même. Oui, bah, en général, ils ont plutôt les moyens. Donc, je vous rassure, il n'y a pas trop de soucis. Donc, c'est là-bas que Simon Mignolet, notre gardien, se repose avec son épouse. Nous avons aussi Dries Mertens et Madame Mertens qui ont choisi de faire un petit road trip en Californie. C'est pas mal non plus. Donc, voilà, ça, ce sont pour les destinations les plus exotiques. On a aussi Romelu Lukaku qui est allé faire un petit tour du côté de New York. On l'a déjà vu souvent dans cette ville. À mon avis, il affectionne particulièrement. Et c'est vrai que bon, voilà, les diables partent loin en vacances, mais déjà fin juillet, les entraînements reprendront pour eux dans leur club respectif. Donc voilà, il faut partir loin, mais il faut aussi pas tarder à revenir. Donc voilà, ça dépend. Mais la plupart choisissent malgré tout des destinations européennes. Et les moins gourmands, justement ? Ben voilà. Donc il y a l'Espagne, c'est vraiment pour les touristes classiques comme nous, l'Espagne est redevenue un grand classique. Ben c'est pareil aussi finalement avec les joueurs de foot. Il y en a beaucoup qui partent en Espagne. Hein. Ibiza, c'est vraiment le grand classique pour les joueurs de foot. Ils sont quelques-uns à se reposer sur l'île espagnole. On a Thomas Meunier qui est là-bas. On a Marwan Fellaini. On a aussi Moussa Dembélé qui est même en vacances avec son ami Yann Vertonghen. Donc voilà, Ibiza pas mal. À Marbella aussi, on a Nicolas Lombard. Yannick Carrasco est avec sa compagne, l'ex-Miss Belgique. Noémie Appart, lui, se repose. On l'a vu du côté de Saint-Tropez. Ah puis oui. Maintenant, il est en Corse. Donc c'est pas mal non plus, on à bord d'un bateau. Photos. Voilà, on a vu des photos. Axel Witsel est en famille avec femme et enfant en Sardaigne, donc sur l'île italienne. Et puis, il y en a un qui n'est pas parti trop loin, finalement, c'est Toby Alderweireld. Il a profité d'un parc d'attractions à La Panne, sur la côte belge, pour se balader avec ses petits-neveux. Donc, c'est sympa aussi, il en faut un petit peu pour tous les goûts. Et vous parliez d'Ibiza, là, il y a quelques instants. Il y en a un qui s'est fait bien remarquer. Ah bah oui. Hein. Bah, il se fait souvent remarquer ce jour-là, c'est ça le problème, c'est Marwan Fellaini. On en a souvent parlé dans cette chronique le lundi, pour ses frasques, dirons-nous. Et ici, bah voilà, il se reposait sur une plage d'Ibiza, mais bon, voilà, Marwan, il joue dans un club anglais. L'Angleterre est friande des paparazzi, etc. Et donc, ils ont envoyé un paparazzi là-bas. Et figurez-vous qu'on l'a photographié en train de fumer un cigare et de boire un verre d'alcool. Oh là là, oh là, là le drame, le drame. Le drame. Enfin, en tout cas, voilà, ça a fait les choux gras du Sun, qui est un journal assez populaire au Royaume-Uni. Et voilà, on a un peu l'impression qu'il doit rendre des comptes. Il ne peut pas s'amuser, il ne peut pas se reposer. On dit déjà que ça ne va pas plaire à son nouvel entraîneur. Donc voilà, c'est un petit peu la polémique autour de Marwan avec son cigare à la main. Et ça, c'est typiquement anglais de réagir de la sorte. On a quand même envie de dire qu'ils peuvent prendre un peu de bon temps. D'ailleurs, la semaine dernière, Ophélie, je ne sais pas si vous avez écouté le 5 à 7 ou si vous étiez en vacances. J'imagine bien. Alors, vous avez entendu qu'on a parlé de ça, qu'un site de Paris en ligne s'est inspiré justement de l'épisode Marwan à la plage, on va dire. Bah oui. Et ce qui est marrant, c'est que ça réagit pas mal. Donc, il y avait Marwan à la plage, donc avec son cigare, mais avant ça, il y avait eu aussi pendant l'Euro de foot, il y avait eu Rajan Aïngolan et son paquet de cigarettes. Oui, vous vous souvenez aussi fait, ça a aussi créé une certaine polémique. Mon Dieu, est-ce qu'il a le droit de fumer ou pas? Marc Wilmots avait même dû répondre en disant, ben voilà, oui, il fume de temps à autre et c'est comme ça tant qu'il joue au football une fois sur le terrain, et c'est vrai, c'est ce qu'on a envie de se dire. Et donc, il y avait ce site qui a lancé un petit sondage, qui sera le prochain joueur à apparaître sur les réseaux sociaux avec soit un cigare, soit une cigarette, soit un verre d'alcool. Alors, c'est très marrant, c'est que finalement, le premier à avoir réagi, le premier joueur connu, c'est un autre Diable Rouge, c'est Thomas Meunier, qui, je vous le disais tout à l'heure, est en vacances à Ibiza. Et lui, justement, il a décidé de réagir un peu en autodérision en publiant un photomontage. Donc il est au bord d'une piscine assis avec un cigare en bouche, mais c'est un photomontage. Et il y a même aussi le logo du Sun, donc de ce quotidien britannique dont je vous parlais un instant. Et voilà, il a dit, sans doute avec ça, je suis le premier, ma cote va augmenter au niveau des paris. Donc voilà, ça fait réagir les réseaux sociaux. Ça plaît aussi pas mal aux supporters du PSG, puisque je rappelle que Thomas Meunier a été transféré, il va jouer là-bas tout bientôt. Donc voilà, à mon avis, il essaye de se donner une image un peu sympathique, un peu rigolote du gars qui aime jouer avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que de nos jours, ça marche plutôt pas mal. Et pour se donner un nom, ça peut aussi fonctionner du côté de la France. Oui, ça peut être utile en effet. Ophélie, vous avez encore une petite semaine pour suivre nos diables et nous raconter lundi prochain, par exemple. On va essayer, parce que vrai, pour l'instant, à part les vacances, les boîtes de pieds en éventail, on a moins de choses. C'est normal, ils se reposent un peu. Oui, mais ça n'arrête pas un jour de foot. Ça n'arrête pas. Donc vous aurez de la matière. Heureusement, qu'il y en a qui fument le cigare sur la plage, les vilains. Et qui boivent, voilà. Heureusement, il nous reste ça. Merci Ophélie d'avoir été avec nous. Les 5 à 7, à tout bientôt. Se poursuit sur Vivacité. 5 à 7. Et on parle alimentaire maintenant, on parle eh bien, des régimes vegan. Vous connaissiez les végétariens, les végétaliens, voilà que le régime vegan est de plus en plus fréquent. C'est vraiment ne pas utiliser quelque chose qui provient d'un animal, enfin ne pas le manger, mais ne pas l'utiliser aussi. C'est ce qu'on va entendre d'ici quelques secondes avec Serge Peters qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonsoir Lucas. Vous êtes nutritionniste, diététicien, président de l'Union professionnelle des diététiciens. Donc voilà, vous allez pouvoir bien nous parler du, on dit quoi, véganisme ? Alors le véganisme, ou anciennement, ce qu'on utilisait surtout, le végétalisme. Oui, qu'est-ce que c'est exactement ? Les végétariens. Les végétariens qui mangent encore éventuellement parfois du poisson, des œufs, des produits laitiers. Mmh. Les végétaliens ou les véganes qui refusent d'utiliser ou de manger n'importe quel aliment qui pourrait avoir une relation avec un animal. Ah, donc okay. Par exemple, pas de miel, pas de produits laitiers, pas d'œufs, mais également ils vont interdire l'utilisation, par exemple, au niveau de leurs habits, de coton, de daim ou de éventuellement de cuir. Donc c'est vraiment tout ce qui a trait à l'animal. Le préserver, c'est soit dans un mouvement, je dirais, idéologique, c'est de prendre soin de la cause animale et donc de supprimer tout ce qui pourrait être exploitation ou maltraitance animale. Et c'est beaucoup pratiqué par chez nous ou pas ? Alors, c'est quelque chose qui était assez confidentiel, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça commence à être un petit peu à la mode. On constate un petit peu ces régimes qui ont tendance justement à se diversifier un petit peu et à s'éloigner de l'alimentation actuelle, qui est vrai, est peut-être trop grasse, trop sucrée, trop salée, trop industrialisée. Et donc, ils essayent, plusieurs mouvements essayent de trouver peut-être la meilleure manière de s'alimenter en fonction de notre organisme. Voilà, alors on s'intéresse aussi à l'actualité, à ce qui s'est passé dans les journaux hier ou il y a quelques jours, c'était à l'aéroport de Milan. Un enfant a été retiré de sa famille pour malnutrition, parce que visiblement ils imposaient ce régime à cet enfant. C'est même carrément un bébé, je pense, voilà, qui a eu des graves problèmes de santé, donc ça peut être dangereux pour les petits quand même. Alors oui, et ça c'est pas quelque chose de nouveau, parce que j'ai notamment travaillé dans un hôpital pour enfants et il y a plus d'une dizaine d'années, et déjà à l'époque nous avions ce genre de soupe notamment qui était parfois donnée aux enfants qui pour lesquels les parents refusaient de donner des produits laitiers ou voire même des laits adaptés. Et par rapport à ça, c'est vrai que ces enfants ont des carences en calcium, des augmentations importantes du potassium, des carences en d'autres nutriments tels que notamment en énergie, en protéines, et quand ce régime est très mal fait, effectivement, il y a des risques majeurs pour la santé des enfants. Quand il est mal fait, mais si c'est bien suivi, si c'est suivi par un professionnel aussi, des parents peuvent l'imposer à leurs enfants alors ? Alors, c'est un petit peu la problématique. Est-ce qu'on peut l'imposer de tout ce qu'on pense, notamment de ce régime végétalisme ou de véganisme, pour l'adulte, s'il est correctement équilibré, c'est-à-dire que la personne connaît bien la composition nutritionnelle au niveau de ses protéines, c'est exactement dans va trouver toutes les vitamines, tous les minéraux nécessaires à l'organisme. Mmh. Et je pense notamment, par exemple, à la vitamine B12, qui est vraiment une problématique importante dans ce genre de régime. Je pense que pour l'adulte, c'est pas trop grave. Maintenant, dans certaines situations physiologiques, je pense notamment aux nourrissons, aux enfants, aux adolescents, aux personnes âgées, aux personnes malades, malheureusement, ce régime induit une augmentation de la mortalité ou des comorbidités. Et donc là, il faut être très, très, très vigilant. Et donc, je pense que pour l'adulte, pourquoi pas ? Pour les autres, il faut en tout cas pas l'imposer, parce que malheureusement, on ne retrouvera peut-être pas exactement tout ce qu'il faut donner dans le cadre de cette problématique-là. Bon, bah, très bien de nous avoir éclairci sur ce sujet. Donc, je vous rappelle, malnutrition due à un régime vegan. Un enfant a été retiré de sa famille en Italie. Merci Serge Peters d'avoir été avec nous dans le 5 à 7 de Vivacité. Il est 17h47. Dans la suite, on parle des vacances et de nos amis les toutous et les minous aussi. Château Prayon, la qualité au meilleur prix soldé de Belgique. Exemple, superbe salon cuir de 3000 euros soldé à 900 euros. Salle à manger ou chambre de 3200 euros soldé à 1000 euros. Cuisine équipée de 20 000 euros soldé à 8000 euros, etc. Château Prayon, 16 Grand Rue Atro, à côté de Chaudfontaine. Durant les soldes, ouvert 7 jours sur 7. Attention, Château Prayon n'a strictement rien à voir avec d'autres magasins de salon d'appellation Château. C'est beau, c'est bon, c'est Château Prayon. C'est l'été des occasions chez Rulo Home Décoration. Carrelage, parquet, papier peint, vinyle, store, tenture et articles déco. Il y a tout ce qu'il faut. Des soldes jusqu'à moins 50%, moins 30% sur les peintures, les vis, teintes et machines, et moins 20% sur les stores. Ma maison, tout en émotion. Rulo Home Décoration. Chérulo Home Décoration atteint l'eau. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Et je vous le disais, Vivacité vous offre pas mal de cadeaux durant cet été. C'est les vacances pour vous. Et il n'y a pas de raison que ça le soit pour nous. On doit continuer à vous faire plaisir. Et ce qui vous fait toujours plaisir, ce sont des places de concert pour vos artistes préférés. Et là, je sais qu'il a beaucoup de succès en Belgique. Il va venir prochainement près de chez vous, parce que la Belgique, c'est tout petit. Donc rien n'est loin, après tout. Il viendra au Francofolie de Spa. Il s'agit de Pascal Obispo. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur. Il y sera le 20 juillet prochain, Pascal Obispo. Vous pouvez remporter vos entrées ici, maintenant, tout de suite, dans le 5 à 7, si vous envoyez le code Obispo avec vos coordonnées complètes au 6003 pour 75 centimes par message envoyé. 6003, vous envoyez Obispo avec votre adresse et vous allez peut-être être tiré au sort. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de questions ni tout ça. C'est assez facile. Vous pouvez aussi aller sur Internet pour jouer, pour gagner des places pour le concert de Kenji Girac. Vous surfez sur vivacité.be et en fin de semaine, si vous venez ici sur notre antenne, si vous êtes tiré au sort pour avoir gagné les places Obispo, vous pourrez gagner un Francopass qui vous permettra d'assister à tous les concerts du festival. 5 à 7. Il est temps de continuer de parler des vacances. Et oui, ça y est, on commence à préparer les valises, à remplir la voiture et on laisse une petite place car eh bien, on ne sait pas se séparer de son animal de compagnie. Et oui, prendre son chien ou bien son chat, hein, ça peut exister avec soi, est de plus en plus fréquent en vacances. Par contre, il y a des choses à savoir, il y a des mesures bien particulières à appliquer pour le bien-être de l'animal. Nous avons Joël Dehas qui est en ligne avec nous. Bonjour Joël. Bonjour. Est-ce qu'on vous appelle docteur, évidemment, docteur vétérinaire comportementaliste? Je vais vous appeler docteur, enfin, pas de familiarité comme ça. Donc il y a de plus en plus de gens qui voyagent avec leur animal de compagnie. Oui, de plus en plus, c'est un chien et chat, et on va partout avec eux, en voiture, en avion, en train, partout. Voilà, on s'intéresse principalement aux chiens et aux chats, hein. Les hamsters et tout ça, les gerbilles, ça on va peut-être pas trop... Les furets, les rats, voilà. Et les lapins, tout ça part aussi en vacances, mais généralement un peu moins que les chiens et les chats. Voilà, il y a moins de choses à savoir aussi, j'imagine, pour leur transport. D'abord, on va parler du côté légal. Est-ce qu'il y a une réglementation particulière pour transporter un animal de compagnie en voiture? Prenons un chien, par exemple. Alors, il y a une obligation d'avoir son passeport européen, son identification et la vaccination anti-rabique pour passer la frontière. Donc ça, il faut voir avec le vétérinaire si tout est en ordre de ce côté-là. Oui, et la cage de transport, elle est obligatoire dans la voiture? Elle n'est pas obligatoire. Dans certains pays, elle est fortement recommandée, comme en Suisse, mais elle n'est pas obligatoire partout. Par contre, le chien doit être sécurisé. Le chat, oui, dans une cage de transport, le chien doit être sécurisé et, si besoin, attaché à une ceinture de sécurité. Bon, les voyages pour partir en vacances, ça peut être relativement long. Il faut bien le nourrir, hein, cet animal, lui donner à boire. Est-ce que faut le faire fréquemment, comme un humain, plus ou moins, toutes les deux heures? Alors, on fait des repas légers, on utilise les mêmes repas que d'habitude, si c'est les mêmes croquettes ou la même alimentation fraîche ou séchée, la même alimentation que d'habitude, mais des repas plus légers, des repas plus fréquents, des sorties aussi fréquentes que pour nous, donc toutes les deux heures, s'arrêter, sortir. Le chien, le chat, non, s'il vous plaît, on ne sort pas le chat de la voiture. Il va partir, ou avec une laisse, ou avec une petite laisse. Partir. Une laisse ne suffit pas, il faut une laisse et un harnais, et encore être certain de... Ouais. Il vaut mieux pas sortir si le chat fait une crise de panique. Ils n'aiment pas. Hein. Laisse ou harnais, il va agresser, il risque de partir et donc on ne va plus le retrouver. En effet, il n'aime pas. Mais... pas le sortir. Mais le chien a besoin se dégourdir les pattes, comme on dit. Oui, mais en laisse ou en longe, rester attaché parce que le chien peut également partir et disparaître. Il faut d'ailleurs, il est recommandé de lui mettre une petite médaille en plus de son identification, tatouage ou puce électronique. Et éventuellement, toujours garder aussi avec soi une photo de son chien ou de son chat en cas de perte à l'étranger. Comme ça, on peut signaler avec la photo du chien. Dans la voiture, on voit aussi régulièrement parfois des images sur Internet où on voit le chien respirer par la fenêtre qui est ouverte avec la lampe pendue comme ça, les oreilles au vent. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais oui et non. Oui, s'il fait très chaud. Non, s'il fait pas très chaud, s'il y a des courants d'air, le risque de courant d'air, va donner des problèmes de gorge, des problèmes d'oreilles. Donc, c'est comme pour nous, exactement comme pour nous. Donc, bon, et à l'arrivée? C'est vraiment très chaud, il vaut mieux arriver. À l'arrivée en vacances? Avec le chien, il n'y a pas de problème. Avec le chat, il faut le garder enfermé, si possible, une semaine. Ah voilà, pour qu'il s'imprègne bien des lieux et tout, parce que le chat, évidemment, a besoin de son territoire. Voilà, le chat va se frotter les joues pour marquer son territoire, il va se frotter les joues. À partir du moment où il se frotte les joues

permutation pour la maison d'en face, elle est gelée ad vitam RTL NAM. C'est ça, c'est ça. Je vous conchis tous les fesses de pisse. Eh ben c'est ça, allez, allez, rejoindre votre pote. Non mais dites donc, Benjamin, vous, avez, vous avez entendu ce pinocle là. Hello, hello, hello, monsieur de Weaver, oui, vous m'avez entendu? Je n'ai pas trop exagéré. Oh ben c'est ça, bon allez, reprenez alors. Je vous laisse continuer votre coup de fil avec, ouais, bravo, avec bravo. Fabien Le Castel ce matin. Et donc tout ça a vraiment été diffusé. Ah bah écoutez. Ah non, ah, non. Alors je te préviens, pour la caravane, je prends pas le lit superposé. D'accord, je veux la couchette. Moi je dors au-dessus. Moi par contre, je peux vous dire, je suis superposé. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Et juste avant le journal de 18h, Dominique, on fait un point sur la météo. Il y aura un peu de tout, il paraît. Oui, effectivement, à partir de demain, ça va se composer d'une alternance de passages nuageux le matin et d'éclaircies. Et puis l'après-midi, on peut s'attendre à des averses et localement un coup de tonnerre. Côté de température, 15 à 19 degrés en moyenne. Temps sec à partir de vendredi, ce sera le retour. Et les premières prévisions pour le week-end prochain, ça parle d'un temps sec à nouveau plus ensoleillé et plus doux. Allez, merci de finir sur une bonne nouvelle, Dominique. Là, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a encore une heure à passer ensemble, une heure de 5 à 7, dans laquelle notamment, eh bien, on poursuit notre fil rouge. Alanis Morissette est maman d'une petite fille, elle lui a donné un prénom assez original. Vous, avez-vous donné un prénom original à votre enfant et quel est-il ? La 2, en télé. Il se passe des choses, monsieur Holmes. La mariée s'est tirée une balle dans la cervelle et puis elle est revenue d'entre les morts. Le spectre d'un vieil ennemi ressurgit. Plus nous en apprenons, Watson, et plus le mystère s'épaissit. L'effroyable marié, un épisode spécial de Sherlock, ce lundi soir sur la 2. Vous écoutez Vivacité, il est 18h, voici les titres du journal. Léopold Storm ne sortira pas de prison, sa demande de liberté conditionnelle a été rejetée. Le jeune homme devra continuer à purger sa peine de 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur. Une fête de la communauté flamande sur fond de discours communautaire, Geert Bourgeois plaide pour une nouvelle réforme de l'État en 2019 avec toujours plus d'indépendance des régions. Qu'en pensent les autres partis ? Réaction dans un instant. Inspecteur et ministre sur un chantier de construction ce matin à Bruxelles, un contrôle pour lutter contre le dumping social. Et le Portugal est en lice aujourd'hui. Cristiano Ronaldo et ses équipiers sont accueillis en héros après leur victoire à l'Euro. On va d'ailleurs revenir sur l'attitude de la star après sa sortie en début de match à cause d'une blessure. Le journal de 18h, il vous est présenté par Yasmina Favaro. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Pas de libération conditionnelle pour Léopold Storm. Le tribunal d'application des peines de Nivelles a rejeté sa demande de libération. L'avocat de Léopold Storm avait introduit deux demandes de libération sous condition, l'une avec et l'autre sans bracelet électronique. Aucune de ces deux propositions n'a été acceptée, Barbara Schall. Oui, et Léopold Storm reste donc en prison. L'homme, aujourd'hui âgé de 28 ans, avait été condamné en 2010 à 26 ans de prison pour le meurtre de trois membres de sa famille, ses parents et sa sœur, des faits qui se sont déroulés dans le magasin familial des Marolles à Bruxelles. Léopold Storm a lui toujours nié ses crimes. Il affirme qu'il a été lui-même victime de l'agression lors de laquelle ses parents et sa sœur sont décédés. Alors pour cette libération anticipée, l'avocat de Léopold Storm a plaidé la bonne conduite de son client, un détenu qu'il décrit comme exemplaire et qui a fini un master d'économie en prison. Le jeune homme a aussi bénéficié de plusieurs congés pénitentiaires ces derniers mois pour préparer son éventuelle sortie de prison, se trouver un hébergement par exemple. Mais ces arguments n'ont donc pas suffi à convaincre le tribunal d'application des peines, tribunal qui a par contre demandé à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit réalisée sur la personnalité de Léopold Storm. Merci Barbara, donc les explications de Barbara Schall. Vous écoutez Vivacité, le numéro 1 flamand Geert Bourgeois trouve qu'on en fait trop autour de sa petite phrase sur les grévistes en Wallonie. Oui, pour le président de la région flamande, la polémique a assez duré, mais la machine est lancée. Les réactions s'enchaînent après cette petite pique sur la frontière linguistique. Pour Geert Bourgeois, elle est devenue une frontière de la grève et les flamands crachent dessus. Ce n'est pas le vocabulaire d'un ministre président, a désapprouvé le premier ministre Charles Michel. Des propos polémique tenue lors de son discours pour la fête de la communauté flamande. Le NVA Guerbourgeois a aussi insisté sur une Flandre plus autonome via une nouvelle réforme de l'État en 2019. Une demande rejetée par le Premier ministre, mais aussi Marc Sirlerot par les deux autres partis flamands de la majorité. Oui, au CDNV et au VLD, même mot d'ordre, pas question de discuter d'une septième réforme de l'État en 2019. Éric Van Rompuy, député CDNV, tapant sur la NVA. Ils ne veulent pas d'accord parce qu'ils ne sont pas pour le fédéralisme. Ils sont ceux qui disent confédéralisme, ça veut dire séparatiste. Donc c'est une négociation sans fin et avec un très grand risque d'immobilisme et de non-gouvernance du pays. Alexander De Croo, vice-premier ministre VLD, nuance. Pourquoi, dit-il, ne pas redonner au fédéral, par exemple, des compétences en matière de sécurité ? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi plein de choses où ce serait peut-être mieux de centraliser les choses au lieu de décentraliser les choses. Donc moi, je suis toujours prêt à avoir une discussion ouverte, mais dans les deux sens. Mais à l'ANV, on ne s'inquiète pas. Argument, nous ne sommes qu'en 2016. Ça laisse 3 ans, dit le parti nationaliste flamand, pour trouver des partenaires. Drôle de tactique. Les ouvriers d'un chantier à Forêt, à Bruxelles, ont été surpris par l'arrivée d'inspecteurs ce matin. Des inspecteurs sociaux et des policiers. Une opération surprise pour vérifier que les contrats de travail étaient en ordre. Une opération pour lutter contre le dumping social. Une priorité pour le gouvernement fédéral. Et dans le collimateur ce matin, les travailleurs détachés. Une pratique pourtant légale en Belgique. Françoise Berlaimont nous retrace cette descente. Une cinquantaine d'inspecteurs sociaux et de policiers ont déboulé sur le chantier. L'opération, médiatisée, avait pour but de montrer la lutte de la Belgique contre le dumping social. Dans le collimateur, les travailleurs détachés. Bruno Devillet, inspecteur social. Ça veut dire qu'ils viennent ici travailler pour une entreprise étrangère, en Belgique, pour une période déterminée, mais qui reste assujettie, dans certaines conditions, à la sécurité sociale de leur pays d'origine. C'est un des buts de ces contrôles, c'est de vérifier que ces conditions soient bien respectées, qu'ils soient payés au barème belge, pas souvent le cas. 26 ouvriers travaillaient sur le chantier, un seul belge, mais 12 roumains, 7 lettons, 4 portugais et 2 brésiliens. Deux ouvriers sans papier d'identité ont été interpellés. Le principe des travailleurs détachés est autorisé par l'Union européenne, mais a entraîné une situation catastrophique pour les ouvriers belges. Willy Borsu, ministre des classes moyennes, des indépendants et des PME. Oui, on a vraiment décidé de livrer bataille contre le dumping social. Hein, on le sait, près de 20 000 emplois perdus dans la construction en l'espace de 3 ans. Conséquence du dumping social. La plupart des entreprises de construction sont basées dans les pays de l'Est ou au Portugal. C'est plutôt donc au niveau européen que la lutte contre le dumping social devrait s'organiser. Plus de suspense en Grande-Bretagne, elle aura un nouveau Premier ministre dès mercredi soir. Ce sera une femme, Theresa May, l'actuelle ministre de l'Intérieur. Elle devrait prendre donc ses fonctions dès mercredi soir selon David Cameron. Le chef de gouvernement sortant, lui, aura remis sa démission juste avant de manière officielle. Theresa May est la seule candidate encore en lice pour le remplacer. Andrea Leadsom, elle, a abandonné cet après-midi. Déjà surnommée la nouvelle Thatcher, Theresa May a fait campagne pour le Brexit. Elle aura donc la lourde tâche de sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et une petite frayeur à présent, vendredi dans le parc Paradisa, un vautour a donné un coup de bec à un enfant lors du spectacle des rapaces. Oui, l'oiseau s'est posé derrière l'enfant suite à un coup de vent. Le petit garçon s'est alors retourné et l'oiseau a pris peur, il a donné un coup de bec. Heureusement, le garçon s'en sort avec quelques petites égratignures au visage. Le parc ne veut pas minimiser ce qui s'est passé. La direction se dit désolée, mais elle rappelle que ce genre d'incident est extrêmement rare. Aujourd'hui, cet après-midi, un nouveau spectacle de rapaces a eu lieu et ça n'a pas refroidi les visiteurs. Écoutez. Ça reste des animaux sauvages, donc il faut faire attention. Parce qu'il y a aussi des consignes, donc il faut voir. Ça arrive, il faut faire attention. Très bien, volontiers. De toute façon, c'est un accident, ça peut arriver. C'est pas si grave, en fait. Ça reste des animaux sauvages. Bien sûr. On ne peut pas prévoir leur réaction. Hein. Donc, tant pis. On n'a eu aucun souci. On a déjà fait 2-3 fois, même en France aussi. On a déjà fait plusieurs fois, on n'a jamais eu de problème. Donc, on sait à quoi s'attendre, de toute façon. Toujours un petit risque, quoi, mais bon, ça ne nous empêchera pas de revoir le spectacle des aigles. Des parents présents tout à l'heure au spectacle des rapaces de Paradisa au micro de Guillaume Gilbert. Ils avaient l'air plutôt rassurés, ses parents. Oui, mais ça va, heureusement, ça va. Tout va bien. Il ne faut pas évidemment titiller les animaux quand vous allez dans ce genre de spectacle. Vous imaginez un spectacle d'éléphants, ça doit aussi être pas mal dans le genre. Oui, je préfère rester à ma place. Il vaut mieux, il vaut mieux. Merci. Yasmina Favaro, prochain rendez-vous actu, ce sera vers 18h30. Et là, on part sur les routes. Avec vous, Pierre Collard-Bovy, bonjour. Mais bonjour, mon ami, comment allons-nous? Très très bien, vous-même et les routes. Ça va. Mais écoutez, ça roule. Quelques petits ralentissements encore dans les tunnels de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, ça va vraiment de mieux en mieux, puisque deux tronçons sont un peu plus ralentis que les autres, mais c'est 17 minutes, donc ça va encore. 17 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, c'est à cause des travaux d'Anderlecht, et plus 11 minutes également pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Un accident sur le 42 Namur-Mons, c'est autour de Sambreville. Deux bandes de circulation sont neutralisées en direction de Mons. Il y a des débris et de l'huile répandue sur la chaussée, donc soyez extrêmement attentifs. Toujours ces ralentissements depuis le début de la journée sur le 40 Bruxelles-Ostende, entre Herpemer et Zwijndrecht. C'est l'installation d'un chantier, mais ça vous ralentit bien, puisqu'à partir de Herpemer vers Ostende, vous perdez 40 minutes. Des files également sont observées dans l'autre sens, entre Gand et Mel, sur 8 km, et vous perdez 25 minutes. Il y a également des répercussions sur une nationale parallèle entre Wetteren et Mel. Vous perdez 42 minutes vers Gand et 10 minutes vers Alost. Et on terminera par ce camion sur le flanc, sur le 313 de Liège, envers sa hauteur de Hassel de Sud. Le passage s'est vécu uniquement via la bande d'arrêt d'urgence et vous perdez une vingtaine de minutes en direction d'Anvers. Vous avez pris un arbre à forêt? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les soldes XXL sur crefel.be. Commandez en ligne, livraison possible chez vous 2 heures après. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Vivacité, le journal des sports. Florence Lestienne avec vous, bonsoir à tous. Le Portugal est donc champion d'Europe de football. Les Portugais se sont imposés hier face à la France grâce à un but d'Eder. Mais celui dont tout le monde parle, c'est Cristiano Ronaldo. Sorti sur blessure en début de match, il s'est mué en adjoint de Fernando Santos, l'entraîneur du Portugal. Une attitude qui divise. D'un côté, ceux qui l'ont trouvé touchant et sensible. De l'autre, ceux qui stigmatisent son égo surdimensionné et Bibrousakis. Il est vrai que Cristiano Ronaldo est un personnage clivant, on l'aime ou pas, mais au Portugal, il fédère autour de lui et il rassemble ses équipiers même quand il ne joue pas. Alexandre Pedro est spécialiste du Portugal pour le mensuel français SoFoot. À un moment, on voit Nani près de Ronaldo qui est en train de pleurer, qui a le genou sur la pelouse. Et là, ils doivent se dire quelque chose, on va le faire pour toi. Et là, Cristiano Ronaldo se révèle être davantage qu'un adjoint pour l'entraîneur Santos. Il bouge, gesticule, intime l'ordre à Guerrero blessé de remonter sur la pelouse pour les dernières secondes. Manuel Queiroz suit la Seleção, l'équipe nationale portugaise, pour O Jogo, le grand quotidien portugais. Cristiano a un ego énorme, lui-même ne le cache pas. Là, je crois que c'est son côté compétiteur aussi qui voulait gagner une coupe parce que Messi n'a jamais gagné rien du tout avec son équipe nationale. Quitte alors à prendre la lumière, à orienter les caméras sur lui, Alexandre Pedro. Ils l'ont fait toujours trop, mais ça part souvent d'une bonne intention. C'est quelqu'un qui a fait des coups du monde blessé. Et moi, il m'a profondément ému hier à le voir gesticuler au bord de la touche, avec son genou meurtri. Manuel Queiroz partage aussi ce sentiment. Il a aussi un côté gamin, des gens qui viennent de la rue. Voilà pourquoi, si Cristiano Ronaldo a très peu joué hier, il est parvenu à marquer cette finale de son empreinte. Le capitaine Ronaldo et ses équipiers sont rentrés en héros au pays ce lundi. Ils se sont d'abord rendus au palais présidentiel où le chef de l'État, Marcelo Rebelo de Sousa, leur a remis le titre de commandeur de l'ordre du mérite. La sélection a ensuite traversé la ville dans un bus à Imperial sous les yeux de milliers de fans massés dans les rues de Lisbonne pour rejoindre une fan zone au nord de la capitale. Côté français, par contre, on n'avait pas vraiment le cœur à la fête. Les Bleus ont été reçus à l'Élysée où ils ont partagé un repas avec le président François Hollande. Le défilé prévu dans les rues de Paris a été annulé, mais l'équipe de France a passé quelques instants avec les fans amassés près du palais de l'Élysée. Lot de consolation pour Antoine Griezmann, il a été élu meilleur joueur du tournoi. Toujours en football, c'est officiel, Jean-François Gilet rejoint le Standard. Le gardien belge a signé un contrat de 2 ans avec les Rouges. Au Tour de France, c'est relâche, le peloton est au repos. Enfin, pas tout à fait, toutes les équipes ont roulé quand même aujourd'hui, histoire de rester dans le rythme, Samuel Grulois. Oui, Florence, les coureurs du Tour ont déjà parcouru 1770 km. Il leur en reste 1765 jusqu'à Paris. Autrement dit, 50% de la distance totale a été avalée. Il était donc temps pour eux, eh bien, de souffler un peu, mais tout arrêter serait une grave erreur en moyenne. Ils ont pédalé 197 km par jour depuis le Mont-Saint-Michel. Stopper toute activité physique risque donc d'avoir des effets pervers sur l'organisme de ces sportifs de très haut niveau. Les touristes de passage à Andorre ont donc pu apprécier aujourd'hui le ballet des équipes s'accordant de petites sorties de 50, 80, parfois 100 km grand maxi. On a croisé les Sky, un groupe de 7 coureurs, puis isolé le duo Stannard Froome, on a aussi les groupes et le trio de Ghent a signé un clopin en grande conversation, alors que leurs équipiers ont travaillé plus en force à quelques centaines de mètres devant eux. Pour certains, il y avait aussi dans l'après-midi la visite de la famille, et puis pour les leaders, les traditionnelles conférences de presse. Demain, les 193 coureurs encore en lice auront tout intérêt à bien s'échauffer, car la journée débutera directement par l'ascension du col d'Envalira, classé hors catégorie. Ce ne sera pas évident du tout au lendemain d'une journée de repos. Merci beaucoup Samuel Grulois. La 10e étape donc demain entre Escaldes et Revel, une étape de semi-montagne longue de 197 km. Tout espoir n'est pas perdu pour le marathonien Florent Kahlen. Il avait intenté une action en justice contre la Ligue belge d'athlétisme, dénonçant le fait qu'elle avait changé les règles de sélection pour les JO en cours de route. En 2015, la date de fin de sélection était fixée au 30 avril 2016. Les trois meilleurs iraient à Rio, mais la Ligue avait ensuite repoussé la limite au 11 juillet. Cela avait permis à Abdelhadi El Hachimi de passer devant Florian Kahlen. Ce lundi, le tribunal civil de Bruxelles lui a donné raison et a enjoint la Ligue belge d'athlétisme de respecter sa procédure de sélection interne. La Ligue doit maintenant rendre une liste motivée des athlètes sélectionnés au comité olympique interfédéral belge qui aura le dernier mot sur la sélection. À voir donc si le COIB respectera l'ordonnance du tribunal. Enfin, en tennis, Maria Sharapova, elle n'ira pas à Rio. Suspendue pour dopage par la Fédération internationale de tennis, Sharapova espérait être blanchie par le tribunal arbitral du sport. Mais le TAS ne rendra sa décision qu'en septembre prochain. Je vous laisse en compagnie de Lucas et de l'équipe du 5 à 7. Merci beaucoup Florence Lestienne, il est 18h15 bientôt. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Merci de passer votre fin de journée, votre début de soirée, on peut le dire maintenant, notre compagnie. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans la suite de cette émission? On va vous offrir des cadeaux, le Futuroscope de Poitiers, sûrement un endroit qui vous fait rêver, ça tombe bien, vous allez pouvoir y aller avec toute la famille. Je vais vous dire comment gagner un séjour. Et puis sachez qu'en 2025, à Helsinki, en Finlande, eh bien ce sera fini de rouler en ville avec sa voiture personnelle. Et oui, les conducteurs vont devoir trouver un moyen de transport alternatif, les transports en commun ou bien les vélos en libre-service, comme on a d'ailleurs déjà chez nous. Et en parlant de chez nous, c'est une formule qui pourrait aussi s'y développer un jour. On a aussi les vélos en libre-service, vous les voyez un petit peu partout dans Bruxelles. Et bien sachez que bientôt, ce seront des scooters que vous allez pouvoir louer dans la capitale. On va voir un petit peu comment ça va se passer tout ça, parce que c'est avec une application et ce sera de toute façon pour bientôt, pour le mois de septembre. Et puis sauvons les dauphins Maui. C'est une race qui se fait rare, qui vient de Nouvelle-Zélande et qui bientôt pourrait être vouée à disparaître. Une véritable catastrophe pour la commission balégénière, on dit international. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces dauphins? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien également, on va tenter d'éclaircir ce sujet. Eh bien quelque chose d'un petit peu plus léger, mais pas que, parce que c'est vraiment un point de vue historique et on va vraiment s'y intéresser dans ce sens-là. Vous avez déjà remarqué quand vous voyez des statues dans les musées, des statues grecques ou des statues romaines, en tout cas de modèles masculins, et qui sont tout nus. Vous regardez ce qu'ils ont entre les jambes et ils ont toujours un tout petit zizi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et ben on se demande pourquoi ils ont toujours un tout petit zizi alors que ça ne peut pas être vrai. À cette époque-là, tout le monde ne pouvait pas être doté d'un petit engin comme celui-ci. On va voir pourquoi, parce que l'explication est historique et vraiment intéressante. Restez avec nous pour en savoir plus. On vous a lancé un fil rouge au début de cette émission. Il concernait la chanteuse Alanis Morissette, que vous connaissez bien. Je ne sais pas si on peut écouter un petit bout d'Alanis Morissette. Non, on peut pas. Je ne vais pas vous le chanter non plus, mais tout le monde la connaît, évidemment. Chanteuse bien connue. Félicitations à elle et à son mari. Ils nagent en plein bonheur. La chanteuse vient d'avoir une petite fille qu'elle a appelée Onyx Solas Morissette, très douée, donc un nom assez original. On vous a donc posé la question, vous, est-ce que vous avez donné un nom original à votre enfant ou bien est-ce que vous avez le projet de le faire? On a Audrey qui est en ligne avec nous. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Du côté de Bazec, là, c'est ça? Tout à fait. Vous avez déjà deux filles? Oui, c'est cela. Alors, comment elles s'appellent, ces deux filles? Alors, la première s'appelle Kathleen. Kathleen ? Oui, ça va, oui. Allez, ça va, assez courant quand même. Et la deuxième se prénomme Veda. Veda, comment vous l'écrivez ça ? VEDA ? VEDA, tout simplement. C'est de quelle origine ? Comment ça vous est venu comme ça, cette idée ? C'est en regardant mon compagnon et moi, nous avons regardé un film avec Macaulay Culkin. Je ne sais pas si vous connaissez le film My Girl ? Ah oui, oui, oui, oh oui, il y a un bout la de temps. Petite mais... fille, la petite fille s'appelle Veda, nous sommes tombés amoureux de ce prénom et voilà pourquoi nous avons donné ce prénom à notre deuxième princesse. Heureusement que vous n'avez pas regardé Avatar, hein, vous imaginez ? Non. Avec les noms qu'il y a. Mais c'est très... hey, moi je trouve ça joli en tout cas. Je trouve ça super joli Veda. Moi j'aime bien tous les noms qui finissent en A. Et en plus vous avez pris un film bon, allez, un petit peu lointain. Donc tout le monde ne fait peut-être pas évidemment la liaison. On va pas trop l'embêter avec le film hein, la petite. Non. Parce que moi j'ai des potes, ils s'appellent Jonathan et Jennifer. Ou bien Hélène et Nicolas. Et là je peux vous dire que tous les jours ils y vont quoi. Tous les jours oui, ils ont droit à la petite fin. Voilà, vous avez encore tout été assez gentil et assez original en effet parce qu'on l'entend pas partout. Et c'est vraiment très joli comme prénom. Vous aussi vous avez un prénom original à faire partager aux auditeurs de Vivacité. Peut-être leur donner des idées s'ils attendent un enfant. Vous envoyez ça au 3063 pour 50 centimes par SMS. Et la suite, eh bien, c'est un cadeau pour vous. Vous connaissez le Futuroscope de Poitiers. Il y a pas mal d'attractions, les héros de l'âge de glace notamment, une attraction en 4D, hein, totalement givrée comme ils disent. Vous avez sûrement vu des images à la télé. Le monde de l'invisible qui vous propose de découvrir l'environnement quotidien qu'il est impossible de voir à l'œil nu. Et puis, à la nuit tombée par exemple, au Futuroscope, vous avez un Big Bang d'effets visuels, aquatiques, pyrotechniques. Vous pouvez passer un très très bon moment, un très beau séjour au Futuroscope de Poitiers et le tout en famille parce qu'on vous offre la possibilité de gagner un séjour de 2 jours, 2 nuits plus 5 jours offert pour toute une famille de 2 adultes et de 2 enfants en hôtel 3 étoiles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah écoutez, pour une fois, on va pas vous demander d'envoyer un SMS mais plutôt de vous rendre sur internet, sur votre ordinateur, sur votre tablette, votre smartphone, c'est la même chose. Vous surfez sur le www.vivacité.be, vous allez sur la page des concours et là il faudra répondre à quelques petites questions, mais simples, les questions. Ça concerne l'âge de glace, ça concerne les attractions, ça concerne le lieu, en particulier le Futuroscope ou encore les prochains invités qui vont s'y produire. Vous trouverez toutes les réponses assez facilement sur internet. Vous envoyez votre réponse et vendredi, vous aurez peut-être la chance d'être rappelé dans cette émission pour pouvoir donc remporter ce très beau séjour. C'est l'idéal pendant les vacances, de quoi passer un bon moment en famille. Une info est tombée, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est la fin des voitures personnelles en 2025 à Helsinki. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que si vous habitez à Helsinki en Finlande, eh bien vous n'allez pas pouvoir utiliser votre propre voiture dans la ville. C'est fini. Eh bien oui, les conducteurs visiblement n'ont qu'à essayer de trouver une solution de transport alternatif comme les transports en commun ou encore les vélos qui sont en libre service. Bon, ça pose quand même pas mal de questions au niveau de la vie en ville. C'est une technique, une méthode qui pourrait arriver un jour par chez nous, c'est ce qu'on peut imaginer. Nous avons Claire Dufour en ligne, elle est cofondatrice de Scooty. Je vous dis ce que c'est Scooty dans quelques instants. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Et ce sera le rêve pour vous que ça s'applique à la ville de Bruxelles, ah, par exemple. Oui. Bah oui. Ah, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Donc on connaît les vélos. Ils s'appellent les vilos d'ailleurs, je pense, à Bruxelles qu'on peut louer. Ils les sont vélos, jaunes oui. Comme ça. Ils sont assez lourds d'ailleurs pour déjà avoir pratiqué. Eh bien après les vilos, on passe aux scooters. Ou Scooty, exactement, oui. Voilà, qu'est-ce oui, que c'est parce que, eh bien, bah, attendez, hein, parce que c'est vrai que qui n'a pas passé de longues heures dans sa voiture à subir les embouteillages lors des heures de pointe. Oh oui. Alors, on connaît les problèmes de mobilité à Bruxelles et ses infrastructures existantes, vous l'avez dit, avec Vilo, mais insuffisantes. Par exemple, je pense au métro. Les lignes de métro qui ne desservent pas les communes d'Uccle et de Gette, par exemple. Et puis, les vélos partagés, qui sont une alternative, c'est vrai, mais qui ne peuvent peut-être pas correspondre à tout le monde. Donc, et puis surtout, on sait que nos habitudes en termes de transport et de mobilité, et là, Helsinki l'a bien compris, sont très loin de correspondre à l'idéal écolo et environnemental auquel on devrait tendre. Donc voilà, le décor est plutôt planté. Qu'est-ce que vous proposez ? Et voilà. Comment ça se passe si je veux louer un scooter ? Ou un Scooty plutôt ? Eh bien, alors ce qu'on a imaginé, c'est un produit qui, à lui seul, répondrait à toutes ces lacunes. Donc Scooty, et attention, tous les mots ici sont importants, oui. C'est un scooter électrique, partagé, connecté et disponible à tout moment. Et quoi, connecté avec le smartphone ? Voilà, c'est ça. Donc, grâce à l'application du smartphone, l'utilisateur peut réserver un scooty qui se trouvera dans un périmètre assez proche de lui. Et donc, dès l'instant où il l'aura réservé par l'application, il disposera de 15 minutes pour le trouver, donc grâce à un processus de guidage et de géolocalisation, et pourra ensuite l'utiliser à sa guise. Et puis, il va le reporter un petit peu comme les vélos, quoi. Non, le porter, il pourra le laisser absolument où il voudra. Ah bon, voilà. Mais donc, à qui s'adresse-t-il ? Eh bien, à tout utilisateur de la route, donc qui dispose soit du permis cyclomoteur AM, ou alors pour n'importe quel titulaire d'un permis de conduire classique D. Oui. Et voilà, donc à nouveau, au niveau pratico-pratique, c'est très simple. Tout se passe au niveau de l'application sur le téléphone, donc que ce soit pour la réservation, la géolocalisation. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez même pas besoin de clé, puisque le code pour faire démarrer le scooty est communiqué justement par cette application. J'ai cru que vous alliez le dire maintenant à l'antenne, là on aurait été embêté quand même. Dites-moi, c'est cher ? Alors, il y a trois formules qui sont proposées, donc deux par abonnement. La première formule, c'est à raison de 35€ par mois. Et alors, pour encourager les entreprises justement qui sont désireuses de s'engager dans ce processus de mobilité verte, c'est 29€ par mois. Et pour ceux qui ne veulent pas s'enquérir d'un abonnement, eh bien c'est 3,50€ pour les 15 premières minutes. Et par minute supplémentaire, ce sera 20 cents qui seront facturés en plus. Oui, donc ça va, c'est relativement accessible. Donc c'est vraiment très abordable. Oui, tout à fait. C'est plutôt accessible. Et puis c'est original, ça change du vélo, c'est moins difficile pour le coup. Voilà, bon, on aura peut-être des moins gros mollets hein, du coup, et on fera un petit peu moins de sport. Mais bon, c'est tout aussi sympathique si on est pressé. Si on est pressé, en tout cas. Ça s'appelle Scooty. Si vous voulez trouver des informations sur Internet, vous allez les trouver assez facilement. Un grand merci, Madame la cofondatrice Claire Dufour, d'avoir été avec nous sur Vivacité. Oui, si je peux encore me permettre. Oh, on a plus que 5 secondes, donc ça va être difficile. Mais vous savez, on va en parler sur la page Facebook de l'émission. Mais là, on doit retrouver Quentin Scotter tout de suite. Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Bonsoir à tous. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre L. On va travailler le labneh. Alors, vous ne connaissez pas le labneh ? J'ai envie de dire c'est normal. Très peu d'entre nous consomment ce type de produit. En fait, c'est un fromage crémeux qu'on peut faire maison, qui est consommé partout au Moyen-Orient et qui est vraiment très agréable parce que vous pouvez l'utiliser version sucrée, version salée. Donc, vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez et c'est quelque chose que vous allez utiliser tout autant en dip que dans une petite salade, que sur un sandwich pour remplacer par exemple la matière grasse ou ajouter un petit peu de corps, un petit peu de texture à votre sandwich. Il y a vraiment moyen d'utiliser ce fromage de mille façons. Et on va le faire maison, c'est-à-dire qu'on va prendre du yaourt grec du commerce et qu'on va le laisser égoutter jusqu'à ce qu'il ait cette consistance de labneh, donc une consistance plus épaisse, plus crémeuse, plus dense, qui va lui permettre d'être un fromage qui sera beaucoup plus onctueux en bouche, bien meilleur, il n'y a rien à faire. Vous prenez une étamine, une simple étamine, comme vous utiliseriez pour faire de la gelée. Pour ceux qui n'ont jamais fait de gelée, ça s'achète dans tous les supermarché des étamines, c'est un petit paquet avec des étamines à l'intérieur, c'est tout simple, c'est comme une petite mousseline, donc c'est vraiment très très facile. Vous prenez 500 g de yaourt grec, non light. Alors, bien faire attention à faire le distinguo entre le yaourt grec marqué sur l'emballage et le yaourt à la grecque marqué sur l'emballage. Le yaourt à la grecque, c'est à la façon grecque. Ce n'est pas du yaourt grec, c'est un yaourt plus épais, simplement. Alors que le yaourt grec, c'est un yaourt qui aura vraiment cette consistance beaucoup plus dense encore que le yaourt à la grecque. Le yaourt grec, c'est ce qu'il vous faut. Le yaourt grec, c'est marqué sur l'emballage, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a même dans les supermarchés des marques grecques pour ça, donc n'hésitez pas évidemment à aller vers ça. 500 grammes. Vous placez l'étamine sur un grand bol, vous versez le yaourt dans l'étamine, vous ficelez et vous allez conserver votre yaourt grec au réfrigérateur pendant 24 à 48 heures. Autour de 36, on est dans le bon. En fait, vous allez le voir à la consistance. Selon ce que vous avez envie d'obtenir, plus une consistance de ricotta ou plus une consistance de mascarpone, donc plus dense, vous laissez plus ou moins longtemps. Au plus longtemps, au plus consistant. Et vous allez voir que vous allez obtenir la consistance d'un fromage frais. Deux possibilités. Soit vous conservez votre labneh dans un récipient hermétique au réfrigérateur et vous le gardez jusqu'à 3 jours. Et en 3 jours, vous êtes sûr de ne plus en avoir. Soit vous en formez des petites boules. C'est ce que je fais et je trouve que c'est vraiment un bon truc. Vous formez des petites boules avec ça que vous allez placer dans un bocal stérilisé et vous les recouvrez d'huile d'olive. Et là, vous allez les conserver au réfrigérateur jusqu'à 3 semaines. Et vous pouvez en jeter dans vos salades, dans vos taboulés, en avoir comme ça à grignoter sur du pain à l'apéro. C'est vraiment le truc polyvalent que vous allez et pouvoir servir et resservir, même en jeter quelques boules et mettre au four sur une pizza. C'est possible aussi, ça va remplacer très avantageusement votre mozzarella et ça va vous donner une autre saveur, une autre texture. Vous pouvez aussi aromatiser votre lapenée, des herbes, des épices, version salée. Si vous avez envie, version sucrée, un petit peu de miel, un peu de coulis de fruits, le bonheur est complet, c'est hyper facile. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Trouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Vivacité, la 1 et la 2 présentent les Total 24 Hours of Spa. Du 26 au 31 juillet, la plus grande course GT au monde sur le plus beau circuit du monde. Des marques de prestige, un plateau de rêve, animation pour grands et petits. Concert du samedi soir. Info et tickets 24hoursofspa.com. Psst, chez Ose, vous savez que nous ne sommes pas du genre à afficher nos réductions en grand sur la vitrine du showroom. Alors je vous le dis juste à vous, Ose vous réserve des meubles stylés, de la literie de qualité à des conditions incroyables jusqu'à la fin du mois. Ose, quai des Ardennes à Liège et sur ose-interiors.be. Vivacité présente les Francofolies de Spa. Au village Francofou, une affiche irrésistible avec vos artistes préférés dans une ambiance incomparable. Puggy, Alison Doroux, Suarez, Jen, Bastian Becker, la Grande Sophie, Les Monstros et bien d'autres. Info, francofolie.be avec le soutien de la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Acheter à Herve, c'est la proximité, la diversité, la convivialité, la personnalisation. À Herve, c'est la sécurité et le parking est gratuit. C'est l'association des commerces de proximité qui vous accueille. Le commerce, autrement, localisi.com. Localisi.com. Vous écoutez Vivacité, il est 18h30, voici les titres de l'actualité aux côtés de David Riffon. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Il ne sortira pas de prison, Léopold Storm reste derrière les barreaux. Le tribunal d'application des peines de Nivelles a rejeté sa demande de libération conditionnelle. Le tribunal a aussi demandé à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit réalisée. Léopold Storm a été condamné en 2010 à 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur en 2007 dans leur magasin familial des Marolles à Bruxelles. Les choses se sont accélérées aujourd'hui. En Grande-Bretagne, Theresa May sera désignée première ministre dès mercredi soir. C'est David Cameron lui-même, chef du gouvernement démissionnaire, qui l'a annoncé cet après-midi. Il présidera un dernier conseil des ministres demain et répondra aux questions des députés mercredi en début d'après-midi. Ce matin, la seule rivale de Theresa May, Andrea Leadsom, actuelle secrétaire d'État à l'énergie, s'était retirée de la course. Initialement, la date du 9 septembre avait été évoquée pour un congrès des conservateurs afin de désigner le successeur de David Cameron. Mais du coup, comme cela va plus vite, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait également être enclenchée plus rapidement que prévu. Un mot de football, les vainqueurs de l'Euro, reçus comme des stars. Les joueurs portugais et le staff de la Seleção ont été reçus par leur président à Lisbonne ce midi. Grosse ambiance aussi dans les rues de la ville. Ensuite, les joueurs ont défilé dans un bus à Impérial et ont brandi le trophée devant une foule en délire. Côté français, la cérémonie a forcément eu moins de faste. Les joueurs ont tout de même été reçus par le président François Hollande. A noter aussi, et on en reparlera dans le journal de 19h, que tout s'est bien déroulé durant cet Euro au niveau de la sécurité. 9 mois après les attentats de Paris et 3 mois après les attaques terroristes de Bruxelles. Nous entendrons le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Merci David, on vous retrouve d'ici une petite demi-heure. Mais d'abord, on parle de la météo. Le week-end était bien agréable. Qu'en est-il de ce début de semaine, Dominique? Plutôt en demi-teinte, hein, et ça va se poursuivre. Notez que la nuit prochaine sera moins venteuse, minima 13 à 15 degrés. Pour le reste de la semaine, les trois prochains jours en tous les cas, nous aurons une alternance d'éclaircies de passages nuageux le matin, et puis les après-midi, des averses en perspective avec localement même un coup de tonnerre. Et au niveau des températures, 15 à 19 degrés en moyenne. Un temps plus chaud est annoncé pour la fin de la semaine, à confirmer évidemment. Bon, bien, on termine sur une bonne nouvelle. Enfin, peut-être, on verra. Est-ce que les nouvelles sont aussi bonnes sur les routes, Pierre Colarbovi? Bon, c'est relativement calme quand même. Hein. Bon, quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale encore. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, toujours le même tronçon, plus ralenti que les autres. C'est en extérieur pour faire grand billard au titre. Vous mettez encore 19 minutes supplémentaires, plus 9 minutes pour l'intérieur. Zaventem, Carrefour, Léonard. Un accident sur le 42 Namur-Mons à hauteur de Sambreville. On nous dit que deux bandes de circulation sont neutralisées en direction de Mons, mais qu'il y a des débris et de l'huile répandue sur la chaussée. Alors, sur le 42 Bruxelles, Ostend, dans le chantier qu'on installe entre Herpemer et Zoeynard. Eh bien, depuis Herpemer, vous êtes ralenti et vous perdez 40 minutes en direction d'Ostend encore. Il y a également des files dans l'autre direction, entre Gand et Mel, cette fois-là, et vous perdez 25 minutes. Il y a des répercussions sur la Nationale 9 qui est parallèle à l'autoroute entre Wetteren et Mel. Vers Gand, vous perdez une quarantaine de minutes et vers Alost, 10-12 minutes pour le moment. On termine par ce camion sur le flanc, sur le 313 Liège, envers sa hauteur d'Asselt Sud. Le passage avait tenu uniquement via la bande d'arrêt d'urgence et vous perdez à l'instant même, enfin pour l'instant, 20 minutes en direction d'Anvers. Ce sont des sacs de terreau qui sont répandus au travers de la chaussée. Vous avez pris un arbre à forêt ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Lucas Correa. Alors on parle beaucoup des animaux hein, dans cette émission. Tout à l'heure, c'était les chiens, les chats. Maintenant, c'est un tout autre animal. Hein. Ouais, qui n'a pas grand-chose à voir avec les animaux dont je viens de vous parler. Oh là, mais il mord, ce dauphin. Vous entendez? Vous avez reconnu, évidemment. C'est le cri du dauphin. Et oui, il y a des dauphins qui sont en danger. Il s'agit des dauphins Maui. C'est une race assez rare qui, visiblement, pourrait être en voie d'extinction. Pour nous en parler, Jean-Luc Bourguin est en ligne avec nous. Bonjour, Jean-Luc. Oui, bonjour. Vous êtes responsable Nausicaa, vous faites quoi à Nausicaa? Alors à Nausicaa, je suis responsable des mammifères marins et je m'occupe plus particulièrement des otaries, puisque à Nausicaa, nous avons des otaries de Californie. D'accord. Qui sont une espèce de mammifères marins bien différentes quand même des dauphins, oui. Et en particulier du dauphin de Maui. Alors justement, ce dauphin Maui, est-ce qu'on peut en dire deux mots? Il est vraiment si rare que ça? Alors, il n'était pas rare il y a encore une quarantaine d'années, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore une centaine d'individus, un millier d'individus autour de la Nouvelle-Zélande. Et puis, d'année en année, on s'est aperçu que l'espèce commençait à décliner. C'est une sous-espèce d'un dauphin qui est de petite taille, c'est le dauphin d'Hector. Et puis, en fait, aujourd'hui, il en reste entre 50 et 60 individus de cette espèce, et c'est trop peu pour que la population puisse continuer à perdurer. Qu'est-ce qui est dû à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les pêcheurs, de par la pose des filets maillants, ont eu depuis de nombreuses années un impact en fait sur cette population. Les dauphins viennent se prendre dans les filets, viennent s'y noyer, et puis malheureusement, la population décline d'année en année. Alors la commission baleinière internationale avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a plus d'une dizaine d'années. Les autorités de Nouvelle-Zélande avaient commencé à mettre en place des choses, mais apparemment ça n'a pas l'effet escompté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une population qui est tellement faible que les scientifiques pensent qu'elle va bientôt disparaître. Ah oui, est-ce qu'il y aurait quand même quelque chose à faire en plus par rapport à ce qui a été fait? Est-ce qu'on peut espérer quand même une conservation de la race? Alors, c'est pas proprement parlé une race, c'est une sous-espèce d'un dauphin. Malheureusement, il n'y a pas de programme de reproduction dans les parcs zoologiques comme on peut le faire avec certaines espèces, comme par exemple le panda, où là on a mis en place des choses et pour restaurer un peu les populations. Avec ces animaux-là, c'est quelque chose qui est totalement impossible, puisque ce ne sont pas des animaux qui vivent en captivité. Et la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est avant tout promouvoir une pêche durable. Qui respecte la biodiversité et puis espérer que les quelques individus qui restent, mais avec très peu de chance en fait, qu'ils arrivent à remonter un petit peu la pente et arrivent à se reproduire suffisamment. Et est-ce que la disparition de cette race pourrait nuire à notre écosystème actuel ? Alors, bien évidemment, la disparition d'une espèce, quelle qu'elle soit terrestre ou marine, est une perte pour la biodiversité, c'est une perte pour la nature et c'est une perte pour nous, êtres humains, qui utilisons cette nature pour nos besoins quotidiens. Alors bien sûr, personne ne va manger du dauphin de Maui, mais en voyant cette espèce disparaître, on fait disparaître aussi d'autres espèces. Mmh. Et c'est ce qui se passe dans les océans, c'est ce qui se passe dans les forêts tropicales. Toute cette richesse de la nature dont nous tirons parti au quotidien, à travers notre nourriture, mais à travers différents éléments de notre mode de vie, eh bien, au fil du temps, on va perdre des tas de choses. Et cette espèce de dauphin, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui, voilà, voilà. En effet, c'est vrai qu'on entend de plus en plus hein, ça, des disparitions de certaines races d'animaux. Merci Jean-Luc Bourguin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable Nausicaa. On va parler un peu musique maintenant et d'un grand monsieur dans le pop story de Marc Tosca, puisqu'il nous parle de David Bowie notamment. Pop story. Pop story. Marc Tosca. Aujourd'hui, Pop Story revient sur le flop cinématographique le plus retentissant de l'année 86. Beaucoup se demandent toujours comment Absolute Beginners a pu se rétamer alors que les conditions semblaient réunies pour exploser les chiffres du box-office. Réalisé par l'étoile montante de la décennie, Julian Temple, ce film musical présente un casting super luxe avec en tête d'affiche David Bowie qui enregistre pour la bande originale cette reprise plus vraie que nature de Volare. L'action d'Absolute Beginners se déroule à Londres à la fin des années 50. C'est l'histoire de la génération du baby boomer, d'une jeunesse qui s'émancipe et qui prend de plein fouet la révolution rock'n'roll. Dans ce film, on découvre aussi Sade dans le rôle d'une sublime chanteuse de jazz. Absolute Beginners, qui devait sur le papier tout exploser, finit par se ramasser, entraînant dans sa chute la ruine de la maison de production. On a beaucoup parlé à l'époque de la vision un poil trop avant-gardiste de Julian Temple, auparavant réalisateur de documentaires sur les Clash, Sex Pistols et de clips pour Whitney Houston, Culture Club et même Téléphone. Pourtant, le casting était des plus classieux, avec notamment l'irrésistible Patsy Kensit des Eight Wonder dans le rôle principal. Pas négatif dans l'échec d'Absolute Beginners. La musique signée de Bowie a réussi à s'imposer dans les charts et la chanson générique sauve de la bérésina un film qui semblait au départ très prometteur. Trop en avance dans le style ou peut-être trop usé pour le thème, les raisons d'un échec sont toujours discutables. Finalement, ce que l'on retient essentiellement d'Absolute Beginners, c'est Bowie lui-même. Nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together. I absolutely love you. C'est extrait de la bande originale du film Absolute Beginners, David Bowie, en 1986. Pop Story. Story. L'histoire des hits. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et des jeunes cuisines à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Les idées plein la cuisine. Durant ce mois de juillet, les meubles Teller à Büchenbach vous invitent à la détente. Vous profiterez des soldes pour réaménager votre intérieur. Grâce à nos salons tout confort, nos salles à manger à vivre, nos literies de grande qualité ou nos luminaires, vous jeterez l'ancre pour enfin profiter. Meubles Teller à Büchenbach, votre bonheur sur mesure. Toute cette semaine, vivez avec nous la Franco-Expérience. Entre 6h et 8h sur la Une Télé, tout au long de la journée sur Vivacité et puis samedi matin dans le Tip Top, remportez des accès aux thermes de spa, des dîners gastronomiques, des bons d'achat, des Franco-Pass et même des week-ends pour deux personnes au Blue Radisson Palace de Spa. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre code de participation et envoyer celui-ci au 6003, 75 centimes par message. Bonne chance! Jusqu'à 19h sur Vivacité. Et après le 5 à 7, après 19h, vous avez rendez-vous avec le Tip Top quotidien, comme tous les jours de la semaine. Vous allez retrouver cette semaine Olivier Gilin qui va vous parler de ce classement du samedi sur Vivacité. On va parcourir par-ci, par-là. Il y aura aussi des petites pépites, des titres d'avant, des excellents souvenirs des dernières décennies, des cadeaux à gagner avec la roulette du Tip Top. Bref, vous voyez, vous n'allez pas vous ennuyer pendant une petite heure, jusqu'à 8h précisément sur Vivacité. En plus, vous allez entendre le tube de l'été, hein. Kangs, inévitablement dans le classement, hein, c'est un titre qui marche très très fort, ça s'appelle These Girls, à retrouver donc dans le Tip Top juste après le 5 à 7. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qu'un grand coup. Ah bah là, ce qui nous intéresse le plus, c'est le petit zizi. Bah oui, on est nombreux, hein, quand on est en train de visiter un musée dans une ville étrangère ou même chez nous, à regarder étrangement quand même ces statues anciennes avec des modèles hommes, en se disant, mais ils ont quand même des petits zizi, hein, tous ces modèles. Est-ce qu'à l'époque, eh bien, ils avaient tous des petits zizi? Est-ce que c'était assez répandu? Visiblement non, il y a une explication assez historique à ça. Pourquoi les statues antiques ont de petits sexes? Cécile Evert, c'est avec nous, la conservatrice des antiquités romaines au musée du Cinquantenaire. Bonjour Cécile. Bonjour Lucas. Alors comme je le disais, hein, c'est pas parce qu'à ce moment-là, les hommes étaient moins bien bâtis de ce côté-là, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une question d'idéal, et il faut remonter aux Grecs en fait. Et pour les Grecs, c'est l'homme jeune qui est beau, hein. Et cet homme jeune... doit être rationnel, montrer une certaine maîtrise de lui-même, et c'est lié donc à la représentation d'un tout petit pénis par rapport parfois à des musculatures qui nous paraissent impressionnantes. Et pourquoi c'est lié au pénis? C'est quoi le rapport avec le fait de tout ça? Alors, parce que pour les Grecs, un grand pénis est ridicule. Ah ouais? Oui, enfin, oui, les Grecs avant, à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc, depuis le 7e siècle avant notre ère, en fait. Oui, hein. Oui, d'accord, c'est bien et clair. Et donc, la représentation d'un long pénis lie l'homme à ses instincts les plus animaux. Hein. Et ça lie l'homme également à l'animal. Ah, oui. Et donc, pour un Grec, l'homme beau et bon, le kalos kagathos, hein, donc l'aristocrate grec, celui qui est nu lors des exercices au gymnase, hein, donc l'homme de bonne famille, eh bien, doit avoir un corps parfaitement proportionné et donc avec un petit pénis. Voilà, parce qu'on était bête si on avait un gros pénis, quoi. En gros, oui. C'est ça, quoi. Ah oui, parce que dans les pièces de théâtre, l'imbécile, il était représenté avec un gros pénis. Ah oui. C'est aussi dans les caricatures, hein, vous avez des petites statuettes qui représentent des esclaves, par exemple, ils ont aussi un gros pénis. D'accord. Mais certaines personnes vous diront que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. C'était même une insulte à la base. On disait, hey, toi, gros pénis. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, ça allait loin. Hein. Alors, il faut aussi évidemment lier ça au goût des Grecs pour les très jeunes gens. Donc il y a une représentation d'une sexualité pas encore totalement mûre. Et donc un lien avec les adolescents, en fait. D'accord. Et pour tout ce qui est romain, c'est la même chose? Parce que les statues romaines aussi, même chose, petit zizi sur statue. Alors, en fait, donc, les Romains se sont inspirés des Grecs. Oui. Et quand vous avez des statues nues, ce sont des statues toujours idéales. Donc, ce qu'ont fait les Romains, c'est copier les statues grecques. Donc, quand vous avez des statues de divinités, hein, des grands dieux de l'Olympe, Zeus, etc., hein, qui a eu 45 enfants, hein, donc ça n'a rien à voir avec la fertilité masculine, eh bien, ils sont représentés donc avec un petit zizi. Mais quand vous avez une statue portrait, donc la représentation de quelqu'un qui a vécu, d'un empereur, quelqu'un comme ça, vous avez une représentation de la tête qui est un réel portrait, donc qui cherche un certain réalisme, alors que les corps sont systématiquement idéaux. Donc vous avez chaque fois un corps d'un jeune homme de 25 ans, par an, hein, le portrait de quelqu'un qui peut en avoir 50. Il n'y a que la tête qui est vraie, tout ce qui reste, corps, pénis compris, etc., ça c'est pas vrai. Et aussi une dernière petite question avant de se quitter, j'ai remarqué que sur certaines statues, bah là les pénis étaient carrément coupés. Ah ben ça, simplement, il y a deux choses. Forcément, ça dépasse. Et donc c'est une des premières choses qui casse sur une statue. Ah d'accord, donc c'est juste pour ça, parce que ça casse facilement. Non, deuxième chose. Ah oui, ok, je me disais aussi. Il devait bien avoir autre chose. Faites attention aussi quand vous jugez d'un pénis d'une statue que le pénis est réellement antique. Hein. Voilà. Ils sont souvent recollés et refaits. Deuxième chose, à l'époque chrétienne, on a retaillé les parties sexuelles des statues antiques. Voilà, donc là c'était plus religieux. Et on n'a jamais versé dans l'autre sens, à un moment donné, au fil de l'histoire, avec d'autres époques, des statues avec des gros pénis. C'est récemment, ça. Ah, c'est récent. Donc ça y est, oui, on y est enfin à du réalisme entier. On y est enfin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est vrai, on se posait tous la question, parce qu'on se la pose tous, hein, quand on voit une statue dans un musée comme ça. Tout à fait. On regarde le visage, on regarde le corps, ou alors on regarde directement sur le lieu concerné. Merci beaucoup, Cécile Ebert, d'avoir été avec nous. Conservatrice des Antiquités romaines au musée du Cinquantenaire. 5 à 7. Il est temps de jouer à présent. Vous étiez nombreux à vouloir participer à notre concours. Hein. Bah, je comprends, parce qu'il y a un artiste que vous aimez bien qui a été mis à l'honneur. Un artiste qui a plein de tubes. Hein. Si je vous dis personne, si je vous dis fan, si je vous dis ça par exemple. Si on a vous, voilà. Pascal Obispo, évidemment, il sera au Francofolie de Spa le 20 juillet prochain. Vous êtes fan, vous avez participé au concours. On vous appelle maintenant peut-être chez vous sur Vivacité. Ça va sonner d'ici quelques instants et une ou un fan aura la chance de gagner ses deux places pour aller l'applaudir le 20 juillet prochain. Il y a quelqu'un ? Allô ? Oui, bonjour, c'est Vivacité bonjour. À l'appareil. Comment vous appelez-vous ? C'est Maria Taibi. Maria, c'est ça, j'ai bien entendu. Oui. Bon, Maria, oui, Maria. Vous allez voir Pascal Obispo, Maria. Oh, merci, j'y crois pas encore. Vous l'avez déjà vu ? Oui. Ah, vous êtes une copine, quoi, de Pascal. Allez, je n'ai pas encore vu de présence, mais j'aime bien toutes ses chansons, je suis fan, mais vraiment voilà. Fan. Vous avez tous les CD à la maison et tout ça. Bon, bah, c'est déjà une très bonne nouvelle. Oui. Donc, le concert de Pascal Obispo avec la personne de votre choix, c'est emballé pesé pour le 20 juillet prochain. Et aussi, libérez-vous vendredi, parce que vendredi, il y aura un tirage au sort parmi tous les gagnants de cette semaine, puisqu'on va offrir des places tous les jours sur Vivacité pour gagner le Francopass. Vous savez ce que c'est, un Francopass ? Ben, pas tout à fait. Bon, ça vous permet d'aller voir tous les concerts des Francofolies de Spa. Il y a Boulevard Désert, Alison The Roof, Louane, Obispo, Zazie, Kenji, Puggy. Là, vous aurez la totale concernant les Francofolies. Je vous souhaite bonne chance et vous dis peut-être à vendredi. Très chère Maria, encore félicitations à vous. Merci à vous aussi. Un grand merci. Bon, vous aimez les enfants de cœur? Oui, j'aime bien, j'écoute aussi. Avec tous les autres, avec Jean-Michel notamment. Ouais, et Jean-Michel, on va le retrouver maintenant dans ce petit extrait des Enfants de cœur, Jean-Michel, qui nous parle des pommes de terre de son papa. Les Enfants de cœur. Je suis au taquet. Il y a mon ami qui me dit, je suis vraiment content d'être avec un génie. Quelle bièce. Et c'est un Namurois qui dit que je suis lent. Pour vraiment supporter tout sur cette terre. Non, c'est parce qu'il y a quelques jours d'ici, j'étais chez mon papa. C'est le même que moi, mais il est mieux fini. Et alors, il avait récolté ses patates. Et je dis, qu'est-ce que t'as mis comme patates ? Il me dit, c'est des patates à frites. Je dis, tu ne manges pas de frites, tu ne fais jamais de frites. Tu n'aimes que la purée. Au moins, basique, je dis, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis des patates à purée? Alors lui, très logiquement, il me regarde et il me dit, parce que ça n'existe pas. Parce qu'on est en 2015, hein, et il n'y a pas encore un qui a été foutu d'inventer une patate à purée. Quand c'est pour aller chercher de l'eau sur Mars, là, il y a du monde, hein. Mais pour mon père qui s'est crevé toute sa vie et qui est obligé de faire sa purée avec des patates à frites, là, il n'a plus personne, hein. Les gens sont égoïstes, hein. Parce qu'il y a des chercheurs, hein. J'ai vu une fois dans une revue que j'attendais chez le médecin, et les chercheurs, ils essayaient de savoir si une huître, ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'une huître réfléchit pendant que mon père est en train d'écraser ses patates à frites pour faire de la purée? Ça me révolte, hein, moi. Pour un peu, je m'énerverais. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit, hein, moi? Moi, je l'ai déjà dit, mais un jour, on va toucher le fond, hein? À Comines ou à Bénezet, hein, il a vraiment tout dit que ça quoi qu'il ne va naître, hein? Notre Jean-Michel National! Les enfants de cœur, vous les retrouvez quand même pendant l'été. Non, non, c'est pas qu'ils ne sont pas en vacances, mais c'est qu'on vous fait réécouter les meilleurs moments des enfants de cœur tous les dimanches sur Vivacité à partir de 9h. Depuis le début de l'émission, on parle prénom. C'est bien, ça peut donner des idées à des futurs parents. Pourquoi on parle de ça? Parce que la chanteuse Alanis Morissette est maman d'une petite fille, donc un beau carnet rose. Félicitations à elle et à son mari. Sauf qu'ils l'ont appelée d'un prénom assez original. Bon, je dis pas que c'est laid, hein, mais c'est juste un prénom qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Onyx Solas Morissette Trédoué. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc ça nous a donné envie de vous demander quel prénom original avez-vous donné à votre enfant, si c'est le cas évidemment, ou bien quel prénom vous voudriez lui donner. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour, comment vous appelez-vous? Elisabeth. Elisabeth, de quelle région vous êtes? De Spa. De Spa. Alors qu'est-ce que vous avez donné comme nom à votre enfant d'abord? C'est un garçon ou une fille? Voilà, c'est il est garçon. Là. Il est là, le oh, garçon. Là. On l'entend, là. Il est bien réveillé. Et comment il s'appelle, ce petit mot? Daegan. Vous écrivez comment ce nom? D-A-E-G-A-N. Et ça vient d'où? C'est de quelle origine? C'est d'origine scandinave. Et ça vous vient d'où? Vous êtes vous-même d'origine scandinave? Non, du tout. On voulait un prénom à consonance nordique, un peu viking comme ça, et puis ben voilà. Et quoi, si vous faites plusieurs enfants, ça va être la lignée viking aussi jusqu'au bout? Non, il n'a pas l'air d'accord. Il n'a pas l'air d'accord, en tout cas. Il a envie de rester tout seul, je pense. Et c'est joli, hein. C'est vraiment joli comme prénom. Je connais pas bien les prénoms de ces origines-là, en Suède, en Finlande et tout ça. Vous hésitiez entre plusieurs prénoms de ce style-là ou pas? Si oui, lesquels? Bah, on avait fait une petite liste. Il y avait différents trucs, mais bon, voilà, Daegan est sorti du lot. Et puis la signification était chouette aussi. Mais voilà. Et rappelez-moi ce que ça veut dire. Je sais pas si vous l'avez déjà dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire journée lumineuse. Ah bah voilà, on parle de soleil, de luminosité, c'est très voilà. Bien pour l'éveil d'un petit garçon comme celui-là qui est âgé de combien de temps? 4 mois. 4 mois. Allez, magnifique. Sept. Qu'est-ce que vous avez dit? 7 mois. Ah, 7 mois, voilà, donc il est déjà grand. Mais écoutez, ouais. Vegan a l'air bien en forme, ça va être l'heure de se coucher pour Vegan. Quant à nous, ça va être l'heure de rejoindre Olivier Gillien qui ne pleure pas. Ça va, Olivier? Alors, Olivier, oui, mais ça va, voilà. Mais ça va, attendez, pourquoi vous voulez que je pleure? Mais non, franchement. Non, hein, non, okay. le petit n'avait pas l'air content de votre arrivée, tiens. Franchement, je vous jure. Bon, allez, on va y aller pour une quotidienne du Tip Top, vous êtes preneur? Évidemment. On va débuter ça avec Amir dans quelques instants.